3 avril de l'année 2025. C'est le moment où est produit maintenant cet enregistrement. Donc, bonsoir, Bourda, ça va bien? Bonsoir, David. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, je vais bien. Excellent. Donc, je salue bien entendu toutes les personnes qui nous écoutent de peu partout dans le monde. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je veux, entre autres, t'amener à commenter le jour de la libération qui a eu cours, selon Donald Trump, hier. Donc, hier, le 2 avril 2025, qui est censé être une date qui va rentrer dans l'histoire des États-Unis. Donc, un peu comme le jour de l'indépendance des États-Unis. Donc, une date qui aurait une certaine portée historique où Donald Trump a imposé des tarifs de réciprocité par rapport à au-dessus d'une centaine de pays dans le monde. Donc, jamais vu. Par rapport à l'histoire des États-Unis, tout ça d'un bloc la même journée. C'est assez impressionnant comme phénomène. Et c'est par rapport à ce changement économique mondial qui est en train d'entraîner les États-Unis dans sa politique tarifaire où tous ses rapports avec les autres pays, tout même le fondement et le concept de mondialisation est remis en question, comme on l'a connu dans les dernières décennies avec cette politique de Trump. Donc, que je veux t'amener entre autres à commenter aujourd'hui. Mais juste avant de débuter, d'aborder ce sujet-là, je veux profiter de l'occasion de notre rencontre pour mentionner aux gens que tu offres toujours des cours de yoga et également de pilates thérapeutique. Donc, est-ce que tu as des sessions qui vont partir bientôt pour le printemps ou dans les prochains mois? J'ai une session qui va commencer le 28 avril, printemps-été, pour quelques semaines, 8 semaines. Je fais aussi de l'accompagnement en supramental, en plus du volet yoga et pilates. Mais j'ai une session présentement qui se termine le 19, puis je reprends le 28 avril jusqu'à la fin juin. Et pour les gens que ça peut intéresser, naturellement, toi, tu es à Montréal en présentiel, mais également sur Zoom pour les gens à distance. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout dans la francophonie, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, ben, ça peut être possible de faire des sessions de yoga et donc des pilates thérapeutiques avec toi aussi à distance. Exactement. J'ai quelques clients à l'étranger, j'en ai au Brésil. En France. Ouais. OK, ben ça me surprend un peu le Brésil parce qu'ils ne sont pas aussi francophones que les pays européens là, que je viens d'énumérer. Tu es une Française au Brésil. Ah, bon, me semblait aussi. Là, parce que toi, j'imagine, tu n'en fais pas en portugais ou dans d'autres langues. Là. Malheureusement, je ne suis pas polyglotte. Je suis blé d'Inde, puis ça force. Bon. Bilingue, mais blé d'Inde. Je dis blé d'Inde, puis je ne suis pas complètement bilingue. Donc, sur ce petit mot d'humour, je vais rappeler, en fait, mentionner aux gens que par rapport à toi, donc ça fait plusieurs années là, que tu donnes des cours, de l'accompagnement aussi, les coordonnées vont figurer en bas de l'enregistrement. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui aimeraient maintenant entrer en contact avec toi. Et puis aussi, ben, on a fait de nombreux enregistrements depuis un peu plus de 4 ans ensemble. Donc, le temps passe où on commente, entre autres, l'actualité. On va parler de conscience aussi et une variété de sujets. Et puis, c'est sûr que vous pouvez retrouver donc de nos enregistrements là, par rapport à ma chaîne YouTube. Sinon, de mon côté, avant de commencer à discuter avec toi, entre autres, de politique internationale, je veux mentionner aux gens que récemment, Nathalie Topoluk est décédée. Donc, elle, c'est une personne que j'ai interviewée à 5 reprises, donc là, sur mon canal YouTube. Et il était question, entre autres, de conscience supramentale, de son cheminement de vie aussi, en relation avec ça. Donc, Nathalie Topoluk, pendant de nombreuses années, a fréquenté les salles de conférences et avait aussi rencontré en consultation Daniel Ménard, que tu as connu très bien, mais qui est également là, décédé aujourd'hui. Donc, Daniel Ménard qui a fait du coaching et également a été conférencier en visant la diffusion de la conscience supramentale, qui avait été aussi l'intervieweur de Bernard de Montréal, rien de moins, pendant plusieurs années. Donc, Bernard, Disons. oui, en tout cas, une bonne période de temps. Là, il y a de nombreux enregistrements là, par rapport à ces entrevues qu'il avait faites avec Bernard, là, qui sont disponibles sur le web dans les années 1990. C'est dans les meilleurs, à mon avis, en passant. Avec Ben, Ménard. Parce que oui. Ménard avait la capacité de faire des. Bernard descendait les grands principes d'une psychologie évolutionnaire supramentale. Puis Daniel avait la capacité de questionner ça pour rendre ça, vulgariser ça, puis rentrer ça dans comment on applique ça dans la Dans forme. le quotidien, puis c'était sans doute pas étranger au fait qu'il faisait du coaching d'individuation pour C'est ça. accompagner les gens à composer avec les événements auxquels ils étaient confrontés dans leur vie. Exact. Donc, Bernard de Montréal est décédé. Ensuite, il y a eu de Daniel Ménard qui l'a côtoyé, qui est décédé. Nathalie Topoluc qui est décédée. Donc, Daniel Moses aussi, Monsieur Moses est décédé. Donald Moses aussi. Donald, pardon. Oui. Exactement. Donc, plusieurs personnes qui ont gravité dans le milieu de la diffusion de la conscience supramentale, qui ont fait leur séminaire auprès de Bernard de Montréal, sont décédés. Donc, les séminaristes sont en voie d'extinction. C'est une Ça va espèce plaire en à voie certains. d'extinction. Ben, ça dépend des gens, là, naturellement. Mais quoi qu'il en soit, je voulais quand même, c'est sûr, rendre hommage à Nathalie Topoluc pour l'avoir côtoyée dans le cadre d'entrevues que j'ai faites sur plusieurs années avec elle et offrir mes sympathies aux gens qui l'ont Famille. connue au fil du temps également. Je pense surtout à son fils Olivier, moi, que j'ai connu très bien, qui doit avoir autour de 23-24 ans aujourd'hui. Alors j'ai des pensées pour lui. Moi, pareillement, j'avais déjà rencontré en personne là, avec elle. Donc, à ce moment-là, c'était tout simplement pour mentionner ça. En fait, l'information de son décès m'est venue d'une amie Facebook. J'ai essayé de faire des recherches sur Google. J'ai pas trouvé d'avis de décès ni d'informations officielles, rien, là, malheureusement. Mais je me fie sur sa bonne foi. Donc, je tenais quand même à le mentionner. Puis c'est la raison aussi pour laquelle j'ai tardé pour faire l'annonce, parce que j'aurais eu envie d'avoir au moins une information comme un centre. Dans le fond funéraire qui vient confirmer l'information liée à son décès. Dans le... Je peux peut-être m'informer, j'ai des contacts qui peuvent me le dire. Quoi qu'il en soit, dans le fond, comme On j'ai pas eu verra. de, c'est ça, de nouvelles depuis ce temps-là d'elle, puis il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait allusion à son décès là, sur Facebook, entre autres. Donc, je pense que l'information est quand même crédible. Et donc, sinon, ben, sans plus tarder, on peut commencer à aborder le fameux jour de la libération, selon Donald Trump. Important de le préciser. Donc, Sa libération de quoi, d'après toi? ben, en fait, c'est dans le fond d'une certaine forme d'appauvrissement des États-Unis par rapport aux tarifs que les Américains subissaient de d'autres pays. On peut penser, entre autres, au tarif spectaculaire de 250 % que nous autres au Canada, on impose par rapport aux produits laitiers qui proviennent des États-Unis. Je pense même que c'est 300%. En tout cas, c'est selon les chiffres de Radio-Canada, Ben, c'est Radio-Canada, là, c'est on sait indiqué que c'est jamais vrai. 250 %. En tout cas, on peut s'entendre pour dire que c'est des chiffres qui sont quand même vertigineux, là. Je veux dire, ça coûte 250 fois plus cher la pinte de lait qui vient des États-Unis que du Canada. On s'entend que c'est des mesures protectionnistes assez intenses là, pour empêcher les citoyens canadiens d'acheter du lait des États-Unis. Ça Donc, vient de, ça vient d'un groupe ici qu'on appelle les producteurs laitiers, pour ne pas les appeler la mafia laitière du Québec. oui, avec tout le système de quotas de lait qui valent une Exact. fortune, puis Puis qui jettent le lait en surplus. Quand le quota est atteint au Québec, n'oubliez pas qu'ils jettent des surplus. bien Pendant qu'il y a entendu, du monde qui crève de faim, c'est très intelligent, c'est ce genre c'est des mesures d'entente. protectionnistes, c'est-à-dire pour pas faire baisser les prix, on s'assure qu'il n'y ait pas une offre trop abondante, comme ça il peut garder les prix élevés, quitte à faire du gaspillage. Exactement. C'est ce que certains appellent le communisme économique. Oui. On peut faire le parallèle en passant parce qu'on entend ça beaucoup des États-Unis, des communistes, mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de libre-échange. Un, il n'y a pas de compétition entre les compagnies, donc les prix sont. Qui fixe les prix? C'est les plus riches de la planète qui, eux, profitent de ça, puis vous autres, on crève de faim en bas, puis on se cogne de nous autres. C'est ça la réalité. Donc, on pourrait dire que M. Trump tente probablement de ramener aux États-Unis ce que ça aurait dû être vraiment la Constitution américaine qui n'a jamais été appliquée depuis 75-100 ans. Ben en fait, moi, ce Le que je. jour de la libération, pour moi, Oui. c'est plus ça que les frais de douane. Ben en Parce fait, que moi, ça la se façon fait. que je vois ça, c'est qu'il cherche à libérer les États-Unis de sa perspective, d'une forme d'oppression économique de d'autres pays. Parce que le Oui, Canada, que je donnais cet tout à fait. exemple-là, spectaculaire, mais aussi par rapport à l'Europe. Puis il y a d'autres pays qui mettent des frais de douane là, assez élevés pour certains produits qui proviennent des États-Unis, au détriment des Américains. Puis lui, c'est comme de dire, ben, je vais rééquilibrer les choses. Ils veulent mettre des frais de douane démesurés. Ben, moi, aujourd'hui, je riposte. Et à ce moment-là, je vais me libérer de ça dans le sens de cette perte d'argent, de perte de capital, en ripostant, en disant, ben, s'ils veulent nous mettre 250 % sur les produits laitiers, ben, on va mettre des frais de 250 % sur leurs produits laitiers qu'ils voudraient vendre aux États-Unis. Pas sûr que ce soit l'objectif réel. Je pense que derrière ça se cache l'idée de démolir tout ce qui est mondialisation de produits. Ah, ça c'est Mais clair aussi, aussi. ouais, mais aussi, c'est que ça. J'ai perdu l'idée, ça m'est venu vite, vite, puis c'est reparti. Continuons, ça va me revenir. Il y a aucun problème. En fait, dans le fond, son approche, où il s'en prend à plusieurs pays simultanément pour imposer des frais de douane qui peuvent quand même être élevés, là. Les gens qui nous écoutent en passant en Europe, parce que je parlais de la réalité canadienne, ben, on parle de frais de douane d'au moins de 20 % pour les différents pays européens, puis l'alcool de l'Europe, 200 %. Donc, j'ai des Français qui m'écoutent, puis qui aiment les grosses bouteilles de champagne, là, puis les vins luxueux, là. Ça va coûter cher, en tout cas aux États-Unis, tantôt, là, pour se payer les belles bouteilles, là, d'Europe, là, d'alcool, là. Donc, bref, moi, la façon que je vois ça, c'est vraiment un mouvement qui va à l'encontre de la tendance de la mondialisation sur le plan historique, où depuis plusieurs décennies, ce qui était fait, c'est que, bon, il y a un pays qui est spécialisé, par exemple, prenons les États-Unis, qui vont se spécialiser pour, par exemple, au sud des États-Unis, en Floride, la culture des oranges, en Floride. Bon, ben, à ce moment-là, c'est eux autres qui vont en produire, tandis que dans le nord, au Québec, on va avoir du sirop d'érable ou d'autres choses. Fait que le libre-échange faisait que, dans le fond, chaque pays se spécialisait, entre autres, ça peut être à partir de récoltes locales ou des minéraux, tandis que lui, il va à l'encontre de tout ça en disant, ben, on va tout acheter local. Donc, qu'est-ce qui vient de Ben en fait, l'extérieur, on va charger des frais. ben c'est parce que quand, il y a une chose que les gens comprennent peut-être pas bien, c'est que les Américains, c'est 25 à 30 % du marché mondial de consommation. C'est des gros consommateurs. Donc, lui, ce qu'il se dit, c'est qu'on va faire. C'est un pays qui a à peu près toutes les ressources nécessaires. On comprend que c'est un pays qui peut aller puiser. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on développe nos ressources, puis l'excédent, on le laissera sortir. C'est ça l'idée. C'est un nationaliste. Donc, il veut développer ses ressources, reprendre le contrôle des ressources, mais pas juste des ressources, mais là on parle de ça, là, mais de toutes les ressources du pays. Oui. Puis quand il impose des frais de douane, ben, comme il fait, c'est exactement ce que tu dis. Tous les pays appliquent des frais de douane aux produits américains. En quoi c'est un drame qu'ils nous en appliquent à nous, ça je ne sais pas, là. C'est sûr que ça va avoir un impact sur nos économies, c'est évident. Mais. De quoi se scandaliser quand nous, on ne se gêne pas pour charger 100 % de frais de douane aux voitures électriques chinoises, par exemple. Ou comme on le dit, 300, moi, d'après moi, c'est 300 % sur les produits laitiers américains. Nous, on a le droit de faire ça, mais lui, c'est un chien sale. C'est quelque S'il chose en qu'on fait comprend. autant. Mais c'est ça, c'est qu'on n'a pas l'esprit de la réciprocité. Puis Bon, on on. n'a absolument pas d'esprit, à mon avis, là, mais bon. T'es encore gentil, mais c'est pas intelligent à penser de même. Mais moi, ce que je pense, l'objectif de ça, là, franchement, t'as vu, il a reculé par rapport au Mexique et au Canada présentement un petit peu, là, Parce qu'il y a un autre objectif. C'est un troll, même Trump, pour troller le monde, il est bon à Christ, là-dessus, je donne un trophée. Je pense qu'il veut créer un territoire l'Amérique du Nord, Mexique, Canada, États-Unis, puis créer une monnaie commune pour créer une force économique importante. Oui, puis Sans parler Groenland. de qui spécule sur le Groenland, C'est ça, c'est parce il y a que plein dans le fond, si d'affaires. on regarde au niveau du globe terrestre, j'ai fait l'exercice, puis j'ai vu l'alignement. C'est-à-dire qu'il y a, bon, il y a le Mexique, il y a les États-Unis, il y a le Canada, et au nord du Canada, le Groenland. Donc, s'il y a tout ce territoire-là, il va pouvoir avoir un meilleur rapport de force avec la Russie. Mais il ne faut pas oublier non plus que le Canada, au bout du Canada, c'est la Russie. Oui. Le Canada les Américains, c'est un peu comme la situation j'ai toujours parlé de la baie des cochons, la baie du cochon, la baie des cochons à Cuba. Quand la Russie est venue mettre des têtes de missiles à Cuba à côté des États-Unis, les Américains ont dit, il n'y en a pas question. Mais on a le même problème au Canada parce qu'on a la Russie dans le cul d'un bord. Puis les Américains sont de l'autre côté, puis là, le Canada va être noyauté par les Chinois. Ça n'arrivera jamais, je vous le dis tout de suite. Ce ne sera jamais ce qui va arriver au Canada. Bien qu'on ait Parce que les massé. Américains ne toleront jamais ça. Mais là, on dérive un peu Oui, sur non, autre c'est un chose, mais on ne l'a sujet, jamais. mais bien qu'on ait été infiltré par les Chinois à multiples niveaux, le gouvernement Trudeau, certains vont. Ben, autrefois, Justin Trudeau. Infiltrer, c'est le bon mot en passant. C'est de l'infiltration dans nos infrastructures. Puis dans Le les Canada est infiltré par les ben, Chinois. C'est pas par une les blague. communications avec Huawei, puis le scandale de la compagnie de téléphonie. Qui vont écouter les conversations des Canadiens, relayer les informations au ministère de la Chine, parce que toute entreprise chinoise est redevable devant l'État et l'État peut demander d'avoir accès à toute information. Il n'y a pas de confidentialité. Mais souvent, il y a des agents chinois dormants qui sont ici, qui sont activés. Ils sont tous sous chantage. Pour penser qu'en Chine, ta famille est là-bas, puis toi, tu es ici, là, il y a une raison, hein? Mais pense au laboratoire MP4. C'est Winnipeg, c'est Non, ça, pas Winnipeg? MP4, c'est un format d'enregistrement, mais le laboratoire de type P3 là, par rapport au virus, là. Excusez-moi, c'est trop drôle. Oui, les laboratoires secrets, en fait, là, les laboratoires où ce En qu'on fait, fait des sécurisés de niveau P3 qui vont travailler P3. avec des virus qui sont très, dans le fond, dangereux parce qu'il y a un Ça, niveau élevé de sécurisation. c'est où? Winnipeg, c'est ça? Je crois qu'il est dans l'Ouest. Il est dans l'Ouest canadien, mais Oui. je ne sais plus si c'est en Alberta ou au Manitoba. Là, je suis un peu mêlée là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que la direction de ces laboratoires secrets où ils expérimentent des trucs genre. Augmente, gain de fonction de certains coronavirus qu'on a connus dernièrement, là. C'était deux Chinois qui étaient là. Puis ils ont disparu il y a 2 ans. Ils sont retournés en Chine, mais on n'en a plus parlé. Qui les a retournés en Chine? C'est pas le Canada. C'est pas parce qu'ils ont déporté, là. C'est parce que les Chinois ont dit au Canada, vous nous retournez les deux Chinois avec le virus. Puis le virus est apparu plus tard, après que ces deux Chinois-là sont rentrés. Puis on dit que ça vient de Wuhan. Oh! C'est une Non, ça c'est. possibilité. C'est une Oui, il n'y a possibilité, pas en de preuve, effet. mais il n'y a pas de preuve, mais la séquence est assez claire. C'est ça, mais C'était je. des infiltrés au laboratoire qui ont été libérés de leur job parce qu'il y avait le virus qu'il fallait, qui ont parti de l'autre bord avec le virus, en passant. On va un jour découvrir que le virus du COVID partait du Canada pour aller en Chine, et non la Chine vers le Canada. Pour moi, c'est la même chose, des Chinois verraient qu'ils ont Ben, mis le quoi qu'ils show, ont là, fait mais. des expérimentations, sans doute, dans le fond, au laboratoire, dans le fond, sécurisé au Canada, puis aussi, dans le fond, par rapport à Wuhan, là, simultanément, là, tu sais, c'est possible que les deux laboratoirs travaillent en concertation, puis, tu sais, comment dire, ils se sont échangés sans le vouloir. C'est assez étrange déjà. Oui, exactement. Mais revenons à la journée de Oui, c'est ça. libération, parce que pour moi, ça veut dire beaucoup plus que juste les frais de douane. Exactement. Mais avant de revenir sur le sujet, je veux juste mentionner aux gens qui nous écoutaient par rapport Oui. à. Parce qu'on va sans doute en reparler pendant une couple de minutes de Donald Trump. C'est que quand on parle d'un sujet par rapport à Donald Trump, je sais que ça peut être très polarisant parce qu'il y a des gens qui sont pro-Trump, anti-Trump. Dans le fond, mais moi puis Mona, quand on en parle, on peut des fois avoir des désaccords. Moi, je suis peut-être un peu plus de la polarité, plus opposé, puis peut-être des fois toi un peu plus pro-Trump, mais dans le Pas que fond. je dirais pas que je suis pro-Trump, mais je vois ce qu'il fait. C'est parce que moi, je les suis. C'est pas que je suis pro-Trump. En fait, il faut comprendre, David, que quand le COVID a débarqué, je suis comme sortie d'un. J'ai toujours dit, je suis comme un poisson rouge dans le bocal qui est sorti du bocal. Pouing! Ça m'a comme. J'ai fait. Oh, il se passe quelque chose d'important. Et là, je me suis mis à écouter plein de choses, puis je suis tombée. Moi, Trump, je ne le connaissais pas avant, puis j'étais comme tout le monde. Je ne l'aimais pas bien, bien, mais j'écoutais les nouvelles comme tout le monde. Mais j'ai jamais été impliquée dans la géopolitique tant que ça dans ma vie. C'est nouveau chez moi, ça. OK. Je me suis mis à m'y intéresser parce que là, il parlait. Fait que je l'ai écouté pendant les 4 ans de sa campagne, avant qu'il soit réélu en 2024, là, fin novembre, au mois de novembre. Je l'ai écouté 4 ans de temps dire des choses, puis je trouvais. Puis là, j'ai commencé à comprendre à peu près c'était quoi sa fonction. On en a déjà parlé, je t'ai parlé d'une fonction qu'il avait. Si on le regarde à 17 000 pieds, là, il y a une fonction. Si c'est pas, si moi, pas moi qui pense, pas toi qui pense, pas lui qui pense non plus. Pensez bien que la pensée vient d'ailleurs. C'est pas rien que moi qui est contrôlé par la pensée qui vient d'ailleurs. Lui aussi. Donc, il y a quelque chose en arrière de cet homme-là qui chapeaute ou qui le pousse dans une direction. C'est ça que je regardais, c'était sa fonction. Et sa fonction, il Oui. est en train de l'exécuter, c'est-à-dire démolir la swamp, le deep state mondial. C'est sa fonction. Puis c'est pas lui tout seul, il faut quand même comprendre, il y a une équipe autour de lui, puis il y a plein de gens, puis c'est un plan qui s'est bâti pendant 40 ans, des années avant. C'est ça, sa fonction. Lui, c'est la tête visible d'un plan beaucoup plus grand et plus vaste. Donc, je ne suis pas pro-Trump, je regarde ce qu'il fait, puis ce qu'il a dit, puis il le fait. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, ça, on peut débattre pendant Non, non, des mais c'est lunes. sûr. Mais en fait, le point que je voulais faire, c'est que ça peut être possible, à travers de nos enregistrements, des fois, d'avoir des opinions différentes, mais on est Tout à fait. capable de se respecter mutuellement, puis on n'est pas dans l'attaque personnelle. J'ai réalisé que même par rapport à certaines personnes que j'estime beaucoup, que je trouve très intelligentes, on dirait qu'ils ne sont pas capables de s'élever au-delà des attaques personnelles, à savoir, tu es un pro-Trump, tu es un anti-Trump, pour tout simplement être capable de dire, bon, on peut avoir une différence de perception par rapport à lui, parce qu'il est très polarisant, mais se respecter mutuellement, puis être capable d'être au-dessus de tout ça. Puis c'est ça, à mon avis, la conscience réelle, c'est-à-dire, OK, on peut avoir des perceptions différentes ou des opinions, mais on est capable de s'élever au-dessus de tout ça pour pas diviser les liens qu'on peut avoir entre nous. Tu sais? Argumenter, C'est ça, débattre, exactement. effectivement. Oui, je sais, ça, je sais que c'est un thème très polarisé. Je sais pas combien d'insultes j'ai reçues. Mais moi, l'insulte, je trouve comme argument, ça ne me touche pas en passant. Pour des gens qui seraient peut-être portés à me traiter de toi et non, on peut y aller. Ça ne me touche pas. Mais moi, ce C'est qui me juste que je touche, veux c'est de bien. voir que même des personnes qui refusent de parler, tu sais, si la personne n'a pas la même opinion par rapport à Trump, elle va dire, ben non, je te parlerai pas, ou tu sais, ils ont quasiment, il y a quelque chose de très polarisant qui me déplaît, dans le sens que même Oui. un refus de dialogue, puis tant que tu regardes qu'est-ce qui se passe présentement, tu as les médias de masse qui sont vraiment anti-Trump, il y aura, tu remarqueras sur un plateau de télévision, tu verras jamais un débat entre un pro-Trump ou un anti-Trump. Ils sont comme tous anti-Trump, les journalistes, puis ils cherchent tout le temps à le mettre en bloc, puis en boîte, puis ils vont prendre des extraits pour le dévaloriser. Ensuite, tu écoutes des médias alternatifs comme Alexis Cossette-Trudel, puis lui, il monte dans les nues, là, dans le sens que j'ai l'impression que c'est un fan fini de Donald Trump quand je l'écoute, puis d'autres aussi de médias alternatifs. Fait que là, tu es comme dans des polarités extrême. Si tu écoutes les médias de masse ou les médias alternatifs la plupart du temps, tu vas voir que le décalage entre les deux, c'est vraiment incroyable. Puis là, ça devient comme un petit peu difficile de sortir de ces jeux de polarité, je trouve. D'où l'expression diviser pour régner. Les forces réussissent très bien à Ah, diviser les gens, présentement, c'est clair. même avec de l'intelligence, Même pour des gens qui vivent un s'acquiéger. cheminement de conscience depuis plusieurs années, moi j'ai été abasourdi, je nommerai pas de nom ici, mais de Ben, c'est ça. voir des réactions aussi émotives puis intenses en lien avec lui, puis tu sais, même, en tout cas, je vais Ben moi, je peux arrêter. donner un exemple d'une amie que j'avais une amie là, dans le développement de conscience, qu'on s'est su, on était ensemble pendant presque 20 ans. Mais on s'était perdu de vue un peu, puis à un moment donné, on s'est retrouvés pendant le COVID. Excusez-moi, j'étais incapable de dire COVID. Ben, c'est mieux Et de même en passant. pas mal pour avoir, en tout cas, bref. Et puis, je suis venue pour discuter de ça, justement, dire, ah, t'as-tu regardé ce que Trump fait? Et là, vous auriez dû voir la réaction d'une femme que je considère intelligente. Ah, ben non, non, non, non, il n'y a pas question que je parle de ça, t'es sur une traque. J'ai dit, j'ai même pas réussi à dire rien encore. Exactement. Ben, j'ai dit, toi aussi, t'es sur une traque si tu me réponds de même. Et là, je vois tout de suite qu'on est dans la division. Fait que je lui dis, mais là, on est dans la division solide, là, si on pense de même. J'ai le droit de penser autrement que C'est toi. ça. Non, il n'y en est pas question qu'on parle de ça. Ça a été fini. Ma relation avec elle, ça avait duré 2 mois et demi. J'ai dit, bye-bye. C'était incapable. On ne pouvait pas discuter de rien sauf de développement de conscience, puis que donc la vie est belle. Excuse-moi, mais ça ne m'intéresse pas. Exactement. Fait que c'est sûr que pour les gens qui vont écouter l'enregistrement présentement, puis aussi si vous laissez des commentaires en bas dans l'enregistrement, faites preuve de respect. Parce que là, je sais très bien que si on parle de Donald Trump, ça risque de faire réagir dans différents sens. En plus qu'elle fume, la madame qui parle de Trump, mais écoute, moi, on se peut plus. Ah, ben là, Je blague, je fais des non, blagues. quoique, il y a une personne qui a été offensée, Mona. Dans une vidéo, là, justement, parce que tu fumais, là, avait écrit un commentaire, calisse, excusez l'expression, là, ben, excusez pas, on est là ici pour s'exprimer librement, là, dans le sens que si vous n'êtes C'est pas capable correct, de c'est voir correct. quelqu'un qui filme, vous avez un esti de problème. Ouais, mais là, ça devient. C'est parce que là, l'intolérance aussi. On parle de la division entre les gens qui. Tu sais, c'est ça, là, la dictature de la pensée. Oui. C'est tout blanc et tout noir. Non, non, non. Il y a C'est ça, il y a des 256 tons zones de gris entre grises, les deux. exactement. Ça demande des nuances. Mais ça aussi, c'est un autre exemple d'un manque de nuances. Autrement dit, que je fume à l'écran, je ne vous dérange quand même pas, là. Prenez une petite, votre gaz égal, prenez une grande respiration et regardez c'est quoi votre problème en tant qu'ego. Parce qu'il y a un problème de juger quelqu'un qui fume. Franchement, à un moment donné, respirer. J'empêche pas personne de vivre parce que je fume, moi, là. Exactement. Je nuis à personne d'autre qu'à moi-même, en principe. Ben, Bon. T'ai coupé ça, à non, couper, ben, hein? y a aucun problème, mais des fois, c'est important de faire une mise au point parce que, mais moi, dans le fond, comment dire, si je voudrais jouer le jeu des médias de masse, je serais anti-Trump, les médias alternatifs, dans certains cas, pro-Trump, mais moi, je vais aller au-delà de ces catégories-là. Il faut regarder ce qu'il fait, Ben, David. Il faut exactement. regarder ce que fait l'homme, dans le sens que il n'y a personne de parfait. Premièrement, on va mettre ça clair, là. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait dans tout ce qu'on fait, humainement parlant. Je vois pas pourquoi Trump devrait être plus parfait que les autres, là. Et puis, il faut jamais oublier que c'est aussi. Tu sais, c'est quand même lui qui a commencé. Pourquoi, quand il passe aux médias, d'ailleurs, il a changé beaucoup depuis qu'il est élu, je ne sais pas si tu l'as remarqué, là. Mais pendant qu'il était en campagne, il était baveux, carrément arrogant face aux journalistes qu'on appelle des journaleux. Autrement dit, des gens qui sont là rien que pour le planter. Mais lui, il a dénoncé ce genre de. C'est ça le problème des journalistes qui font plus de l'information, mais qui sont propagandistes. Ben oui. Parce que ici, au Québec ou aux États-Unis, c'était le même problème. Ce n'est que de la propagande. Quand c'est rendu que le quatrième pouvoir qu'on disait qui était le journaliste ne fait plus son travail, arrêtez de me dire qu'on est pro-Trump parce qu'il dénonce des choses. Et c'est grâce à lui qu'on voit qu'aujourd'hui, on a de la propagande parce qu'on ne le voyait pas. Il y a 4-5 ans, il n'y a pas Ben grand monde non, qui je voyait ça. regrette. Ça fait longtemps que je le vois, la propagande. Oui, toi, mais je parle du monde général, là. Tu sais, monsieur et madame, tout le monde un peu. Moi, je le vois ma clientèle, là. Les gens commencent à. Les gens me le disent, ouais, on est désinformés, ils ont dit ça, c'est pas vrai. Et voilà. Mais c'est grâce à lui, quelque part, parce qu'il était baveux, puis lui disait, fake news, ils montreront jamais qu'il y a 90 000 personnes ici, ils vont juste filmer les 33 personnes ici, là. Il était tordant, moi, je le trouvais tordant. Mais Oui. bref, il fait ce qu'il dit. Il l'avait dit qu'il appliquerait des frais de douane, mais il fait. Exactement, mais je voulais te revenir parce que tantôt tu étais sur le point de dire, pour toi, c'est quoi le jour de la libération? Ben moi, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Vas-y. Ben, libération de la swamp, libération du 1% qui contrôle les États-Unis, l'économie des États-Unis, la CIA qui va être démantelée puis qui est en train de l'être. Il est en train de démanteler tout ce qui a empêché le rêve américain. Quand Ben, il dit Make ça, attends une America minute, Great je mettrai des Again, nuances. Parce que dans le fond, ben, il y a une excuse-moi. libération qui est faite avec Elon Musk qui va couper, entre autres, dans les budgets, là, que ce soit la CIA puis d'autres organisations. Le Dodge. Le Oui. Dodge. Oui. Donc ça, lui, il fait un travail à ce niveau-là, là, incroyable, là, c'est-à-dire un travail pharaonique, là, incroyable dans le sens où on n'a jamais vu ça aux États-Unis. C'est le grand ménage du printemps, là. Donc, il va mettre... Comment on peut-tu argumenter un peu là-dessus? Est-ce Oui. qu'on comment les gens d'ici, les journalistes d'ici, peuvent être contre le Doge? Réfléchissons 2 minutes, là. En quoi tu peux être contre l'audit? Audité, c'est ça que je veux dire, dans Oui. le fond, que l'argent des contribuables qui est envoyé dans un ministère, mettons, prenons l'exemple ici, le ministère de la Santé, qui a 52 milliards de budget, puis qu'on ne sait pas trop ce Et qu'ils font plus. avec. Pourquoi on est contre ça, d'auditer? On devrait le faire. Ben oui, On on devrait devrait suivre cet exiger que nos exemple-là, gouvernements soient naturellement. audités. Ben oui. Parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, soyons pas naïfs, que Ouais. ce soit Trump ou Biden ou Clinton ou n'importe quel autre, dans la même Poutine, tout le monde devrait être Mais audité au eux niveau autres, de l'argent ils public. voudront pas que le gouvernement soit édité parce que ça peut mettre en question leur propre survie médiatique. Parce que depuis des années, la presse vit sous le respirateur des subventions du Entre gouvernement. autres. Donc, Entre autres. eux autres sont massivement subventionnés par le gouvernement. Ils vont quand même pas mordre la main qui les nourrit. Non, mais quand le peuple ne comprend pas ça, puis que les gens ne sont pas capables de raisonner que 1 plus 1 fait 2, ça va pas bien. Puis les journalistes ne veulent pas perdre le petit salaire, les petites conditions, ça c'est une chose. Mais toi, puis moi, puis tout le monde qui payons des impôts, je ne sais pas si le monde se rend compte qu'au Québec, on paye en moyenne 68 % en taxes sur nos revenus, incluant l'impôt sur le revenu, à part toutes les taxes qu'on ajoute partout. Oui. Ça veut dire qu'il te reste quoi dans les poches, là? Ça, vous appelez ça comment? C'est de la crosse Exactement. institutionnelle. C'est ça, C'est ça le il y a communisme. Yves Ça Uzureau, tire les justement, ressources vers en le lien haut. avec ça, qui a fait un enregistrement intéressant récemment sur Lux Media, là, sur YouTube, où il parlait Qui? justement de ça, Yves Uzureau. Oui, je l'adore, ce Ben, c'est monsieur. ça, il parlait que la plupart des gens qui gagnent, je pense que c'était 50 000 ou 60 000, leur reste à peu près le 67 % dans Non, non, il ne les... leur reste pas Non, là, c'est 67 %, ils ça, en il y a perdent 67 % 67 %. exact qui perdent. Ça veut dire qu'il leur reste, dans le fond, Et puis 37 %. là, C'est ça, il leur reste pas grand-chose, là. On est tellement travailles comme taxé, un con, là, c'est puis tu ne te ça. restes même pas 30 000 dans les poches. À moins que tu fasses de l'optimisation fiscale ou des stratégies d'évitement fiscal pour faire face à ça, là. Ben, c'est sur l'évasion fiscale, c'est surtout les plus riches qui peuvent y avoir accès. Nous autres, avec les petits REER, les petites affaires, je te jure que ce n'est pas une grosse évasion. On s'évade pas bien loin. On est limité. En effet, les individus à la base sont limités. Par contre, dans le fond, pour en revenir au sujet de la libération, c'est parce que moi, j'ai l'impression que les États-Unis cherchent de se libérer, dans le fond, d'une forme de dépendance aussi, entre autres énergétique, t'sais, par rapport au pétrole, etc., de d'autres pays. Fait que c'est sûr que s'ils produisent le plus qu'ils peuvent localement, à ce moment-là, ils ne seront pas à la merci de d'autres pays, puis ça va Puis nourrir leur pas économie. Puis en plus, ils vont devenir des compétiteurs internationaux avec leur surplus. C'est ça une forme de capitalisme intéressant. Il y a plus de compétition. S'ils produisent du pétrole, vous allez voir baisser le prix du pétrole dans le monde parce qu'il y aura plus de production de pétrole. Le prix va baisser. Ça va être pour favoriser qui? Les gens. Il faut comprendre l'idée de ça aussi. C'est important de développer nos ressources. Puis les ressources qu'on développe, ça crée une baisse de coûts. Des autres pays qui produisent ces mêmes ressources-là. Parce Exactement qu'en ça, fait, la Clive. réalité, c'est de toujours créer des monopoles pour garder le contrôle des prix. C'est à ça qu'ils s'attaquent mondialement, en fait. Entre autres, les monopoles d'État, avec comme les quotas de lait qu'on parlait tantôt, comme on a aussi au Québec, mais il y a d'autres monopoles de d'autres ressources, là, Ben, le naturellement. pétrole dans le monde, je ne connais pas le dossier pétrole très, très bien, mais on comprend très bien qu'il y avait le contrôle. Les Américains avaient des contrats avec certains pays, mais il y a des pays comme la Russie qui produit du pétrole en masse ou puis du gaz. Tu sais, ils n'étaient pas tant dans le marché que ça, là, avec le BRICS qui est apparu, puis là, le SWIFT qui est là. Là, ça va changer la donne parce que ça devient multipolaire. Il va y avoir d'autres choses qui vont être offertes. Il y a des belles opportunités, autant pour le Canada que d'autres, aussi d'acheter des ressources qu'on n'a pas à l'extérieur qui vont nous coûter moins cher. Puis peut-être que l'idée de développer nos propres ressources au Canada et au Québec serait une crise de bonne idée, hein? Genre, hein? au lieu de les donner comme on le fait, là. Je ne Exactement. sais pas si vous voyez, moi j'ai des amis en Abitibi, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe là, avec les mines d'or, c'est une catastrophe. J'ai des amis qui ont des maisons là-bas, là. Ils se font offrir d'être achetés là, pour développer encore plus de développement de mines d'or, d'après vous. Pourquoi pensez-vous que c'est pour rien qu'ils développent ça? Ben non. Le Québec va en profiter, c'est des compagnies américaines puis étrangères. Le Québec donne ses ressources. Une petite crise de plus d'un petit 25 cents, ça agace, là, pas encore. C'est n'importe quoi. Oui, c'est sûr que dans le fond, la menace des tarifs a amené entre autres des gens à réaliser à quel point qu'on était dépendant de l'économie américaine. Parce Ben, ça, que c'est clair. l'essentiel des importations, des choses qui sont produites au Québec, vont aux États-Unis depuis plusieurs décennies. Il y a des gens qui l'avaient dénoncé, les gens ne réagissaient pas. Mais là, quand l'imposition de frais de douane de 25 % sur l'essentiel des produits, ben là, il y a des entreprises qui ripuent, là. Donc, Dans l'Ontario, ça va faire mal à l'Ontario, entre autres, le 25 % sur les Ah, ben ça, automobiles. c'est clair, Ça, là. puis... Moi, oui, c'est clair que ça va nous faire du tort, ça, je ne le nie pas du tout. Mais faut peut-être être créatif un peu aussi, puis arrêter de penser à la vache à lait, là, puis de tâter le gouvernement, puis de développer. Trump, il fait des choses. Je vais te donner un autre exemple. Il fait des frais de douane. Puis il vient de proposer que 150 000 $ US et moins, plus d'impôts à payer. C'est intéressant, ça aussi. En plus, il baisse les taux d'imposition des entreprises qui vont venir s'installer chez eux. Parce que je pense qu'avec l'administration de Biden, il était autour de 17-18 % d'imposition des bénéfices d'entreprise. Lui, il va baisser ça à 11 %. Puis je pense qu'il a même mentionné qu'il baisserait plus bas que ça d'ici un an ou deux. Pardon, de peut-être à 6 % d'imposition. Ça veut dire qu'il est en train de solliciter les grandes entreprises qui ont quitté les États-Unis comme Apple de revenir à la maison et de faire le produit ici, aux États-Unis. C'est ça qu'il est un peu en train d'installer aussi, mais dans tout ce qu'il dit, là. Mais je ne sais pas à quel point, parce que il y a des grandes entreprises qui ont leur siège social d'une manière volontaire dans des paradis fiscaux, de sorte qu'ils Non, mais ne soient c'est pas pas. le cas de grandes entreprises comme c'est des banques, ça, David, souvent, mais les grandes entreprises, des sièges sociaux. Apple, il est où le siège social d'Apple, tu penses? Il n'est pas dans un abri fiscal? Lui, il faudrait que je le vérifie, mais je sais qu'un pays en Ah. Europe qui avait beaucoup de sièges sociaux de grosses entreprises, la technologie qui était là. J'avais écouté un documentaire là-dessus, parce que c'était là que ça coûtait OK. moins cher. Je ne sais pas Bien, si les c'était. entreprises cherchent un taux d'imposition sur le profit le moins cher possible. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça, je te dis, Trump va faire baisser ça de quasiment 10 points. Tu pars de 17 à 6 %. Je pense qu'en Irlande, c'est le moins. En Entre autres, en Irlande, me Irlande, c'est semble. 4 %. C'est ça que j'avais entendu parler. Puis il y a des endroits comme par exemple la France sont très taxés, l'Angleterre aussi. Tu sais, il y a d'autres pays qui sont plus taxés. Puis là, ils se ramassaient, parce que c'était drôle dans le documentaire, tu avais un siège social, je ne sais pas si c'était Apple ou un autre de la division européenne. Puis là, genre, tu avais genre un employé dans un bureau là, avec une adresse postale. Là. Tu sais, c'est un peu comme aux Bermudes, là, où tu as tout simplement une adresse qui justifie l'existence de l'entreprise, mais tu n'as pas personne qui travaille. Là. Tu sais, tu n'as pas. Un entrepôt avec plusieurs milliers d'employés, là, c'est tout simplement symbolique, là. Ouais, ben, c'est pas illégal, mais c'est une façon de contourner l'imposition. Parce que les entreprises ne payent pas assez d'impôts. Les gens qui ont beaucoup d'argent ne payent pas beaucoup d'impôts. Aux États-Unis, il n'y a rien qui revient à eux, là. Tout s'en va à l'étranger. Je sais qu'en Irlande, c'est 4 %. Mais j'étais en train de chercher, je m'excuse, j'étais un peu distraite, parce que je cherchais le siège social d'Apple où ce qu'il Ben oui, ça peut être intéressant là, si tu sera pas trouves, long, je vais le trouver. il n'y a pas de problème, tu trouves l'information dans les prochaines minutes, parce que c'est sûr que le fait que l'imposition n'est pas réglementée au niveau international avec les mêmes balises, ça fait que les pays sont en compétition, puis ceux qui donnent des frais d'imposition moindres, ben ils vont être plus prisés ou voir des stratégies d'évitement fiscal qui vont être mises en place là, en lien avec ces pays. On est dans le champ, mon ami, parce que le siège social d'Apple est en Californie. OK. Donc, Mais c'est pas grave, là, il n'y mais. avait pas quelque chose comme la division européenne que c'était en Irlande pour la zone euro, une affaire de même. faudrait que je fasse des OK, recherches, là, bon. mais je sais que ce qu'on peut retenir, vu qu'on est un peu confus, là, mais ce qu'on peut retenir, c'est que les grandes entreprises comme Apple, Microsoft et compagnie, souvent, ils vont installer le siège social à des endroits où c'est très favorable pour eux Oui. d'économiser d'impôts sur les revenus d'entreprise. C'est dans ce sens-là qu'il Oui. faut comprendre. Mais ça, c'est de l'évasion fiscale camouflée illégale. Mais il n'y aurait pas ça s'il y aurait un gouvernement mondial qui régirait toutes les informations à partir d'une monnaie numérique, puis tout serait stocké sur une blockchain avec l'information enregistrée et toute Alors là, traçable. tu parles de. OK, ouais, ben peut-être, mais je suis pas rendu là. Tu m'as amené dans 20 ans. Non, non, mais en fait, j'aime ça un peu, des fois, t'amener sur d'autres pistes, là, dans le sens que si tu avais un gouvernement un peu à l'image de l'ONU, qui gère tout, mais au niveau financier, avec des paramètres d'entente internationale, ben à ce moment-là, l'évasion fiscale ou l'évitement pourrait prendre fin parce que tout serait régi puis régulé avec, Par qui? ben là, c'est là que ça devient intéressant. Oui, il y a de l'homme, il y a de l'abri, puis c'est pas dans 2 semaines, ça va C'est changer, là. ça, mais je veux dire, si par exemple, je te donne un exemple, si toutes les transactions seraient régulées avec une monnaie traçable numérique, comme par exemple le Bitcoin, bon, ben Pense que c'est ce qui va arriver. Je pense que c'est ce qui va arriver. à ce moment-là, la fraude ou l'évitement fiscal ou la corruption, il n'y en aurait plus parce que toutes les transactions seraient enregistrées, dans le fond, sur la blockchain, un peu comme un livre comptable numérique où tout est là, qui a transigé quoi à telle personne, et ainsi de suite. Ben c'est parce que c'est le mot gouvernance mondiale, j'aime pas, là, ça me donne envie de vomir puis d'aller aux toilettes. Mais il y a possibilité d'installer une crypto-monnaie mondiale, internationale. Ça n'enlève pas les monnaies locales en passant, là. Ça ne change pas les monnaies locales, ce qu'on parle. La crypto-monnaie pour des échanges internationaux, ces choses-là, oui, je serais d'accord dans un contexte où il y a blockchain fonctionne, là. Puis qu'elle ne se fait pas hacker par IA, là, en tout cas. Ben Parce pour que tu m'as déjà l'instant. expliqué que ça pourrait arriver que le IA soit tellement puissant, genre, que ça arrive même à percer les blockchains, Ben en ça. fait, c'est pas nécessairement l'intelligence artificielle, je dirais, c'est Non. plutôt les ordinateurs quantiques. S'ils se Ah oui. développent avec une puissance de calcul supérieure aux ordinateurs analogiques qu'on a, quoique une grande force dans le fond d'ordinateur là, derrière, si on pense au Bitcoin, là. Présentement, puis Bitcoin, ça fait au-dessus de 10 ans que ça existe, puis à l'heure actuelle, le code n'a pas été cassé par une puissance de calcul d'ordinateur suffisante. Donc, j'ai l'impression que ça va quand même tenir le coup pendant plusieurs encore années, là, le Bitcoin. Mais il ne faut pas, dans le fond, nier la possibilité qu'un jour, il y ait une puissance informatique supérieure que celle qui soutient le Bitcoin qui pourrait décrypter le code, décrypter l'information, puis là, à ce moment-là, ben, la crypto-monnaie, du Bitcoin tomberait, là. Bon, en tout cas, je pense qu'on voit loin, là, dans un sens, c'est une projection sur 30-40 ans. Fait que, mais je suis pas mal certaine qu'ils vont arriver avec quelque chose d'une crypto-monnaie internationale d'échange. Puis, d'après moi, elle va être basée sur l'or. C'est une possibilité, c'est En sûr tout que cas, l'or monte en calvette. Je sais pas pourquoi, là, mais. oui, exactement. Et d'ailleurs, je suis très content de la situation. En fait, pour nous deux, qu'on investit en or depuis un certain nombre de temps. Donc, je fais présentement des bons rendements. C'est sûr qu'on peut parler de comment dire de cette denrée qui sera peut-être un jour, Non, oui, denrée rare, mais denrée en demande en période d'incertitude. Donc, on vit présentement à cause de, entre autres, des politiques de Donald Trump qui modifient les rapports internationaux entre les États-Unis et les autres pays. Parce que là, les changements tarifaires qu'amènent, ça crée de l'incertitude. On ne sait pas trop comment que les pays vont réagir. Est-ce qu'il va y avoir des contre-tarifs, des ripostes? Est-ce que ça va amener une situation d'inflation mondiale, et ainsi de suite? Je pense qu'il y aura une inflation qui peut venir suite à ce qu'il fait, mais je pense que c'est fait volontairement pour attaquer la Fed. qui n'est pas une banque du tout fédérale. Non, elle n'a de fédéral que le nom, Que le nom. parce que derrière ça, c'est des intérêts privés. Privé. Même si Je ça donne pense que c'est les l'impression Rothschild, que non? C'est c'est. les Rothschild derrière ça? Faudrait vérifier, Rothschild? mais c'est ça, c'est des intérêts financiers privés qui sont derrière ça. Mais en fait, ce que je comprenais, c'est que, dans le fond, Trump veut amener la Fed à baisser le taux d'intérêt, Ben, c'est entre le taux autres. d'intérêt, mais si. C'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans le marché. Là, pour la récupérer, il faudrait que les taux d'intérêt montent un peu. Puis l'inverse, si tu baisses les taux d'intérêt, ils ne sont pas capables de récupérer le cash qu'ils ont imprimé. C'est complexe là, ce qu'on Mais en parle. fait, C'est c'est pas que simple. s'ils baissent le taux d'intérêt, ça permet de rembourser de la dette à rabais. Parce que dans En le fond, ça plus, coûte en moins plus. cher de rembourser. Fait que le scénario qui se présente actuellement est particulier parce que d'un côté, naturellement, ça coûte les choses plus cher. J'écoutais tantôt en préparation de notre enregistrement l'actualité un petit peu économique. Par rapport à TVA, j'écoutais Olivier Zappa qui expliquait que avec l'augmentation suite aux tarifs des frais par rapport aux biens de consommation courants, pour l'Américain moyen, en fait, ça risque de coûter 7 500 $ de plus par année pour Sur ça. quelle base, ce bimbo des chiffres de même, mais comment il arrive à quoi avec ça, là? Comment il a Oui, expliqué ça, lui-là, là? c'est que dans le fond, lui, il a pris différents articles de consommation. Il donnait comme exemple, il dit, quelqu'un qui achète un iPhone qui vaut 1 600 $ avec Sais-tu les. combien il est vendu, l'iPhone en Chine? Non. 100 dollars. Mais là, c'est sûr qu'il faut voir le type d'iPhone. Non, non, c'est le même OK. iPhone que toi puis moi, on a. OK. 100 dollars, puis revire ici à 1500. Y a-t-il Puis, quelqu'un aux qui comprend pas ce États-Unis, qui se écoute passe? bien, avec les tarifs, il va passer de 1 500 à 2 300 $. Parce que dans le fond, il y a des produits dans des pays asiatiques. Puis là, il C'est expliquait ça. que ça, c'est un exemple d'article qui va augmenter. Mais bon, si on met tous les produits qui vont augmenter, puis on amortit ça sur un an, il disait qu'en moyenne, en fait, je disais pour un individu, mais il parlait de la famille américaine, ça leur coûtait 7 500 $ de plus pour maintenir le train de vie qu'ils ont. Là, ça reste à voir si pendant ce temps-là, leur salaire va être augmenté en Pour proportion. voir, ben c'est ça que je dis. Ça se peut qu'il y ait raison le monsieur qui dit ça, là. Mais dans quelle mesure la qualité de vie, le salaire moyen des gens ne va pas monter? Dans quelle mesure il n'y a pas un téléphone qui va être créé par Tesla? Genre Tesla qui crée un nouveau téléphone, qui est exactement plus performant que l'iPhone comme par hasard, puis qui coûte 300 piastres US. Okay. Développer leurs ressources. Ils ont tout pour faire des téléphones. Ils n'ont pas besoin d'Apple. C'est-à-dire qu'ils pourraient développer le À part les produit sur leur constructeurs. terre. Par contre, c'est ça prend les semi-conducteurs ou les terres Ouais, rares. mais regarde qu'est-ce qu'ils négocient avec l'Ukraine puis d'autres pays, le Groenland, les terres rares, pas pour rien, c'est ça que je dis. Pourquoi qu'il y a des visions sur le Groenland? C'est une richesse des terres rares, ils sont durs à exploiter parce qu'il fait frais tant qu'elle Il y a ça, mais aussi c'est un là. intérêt L'Ukraine. géostratégique. Par rapport à la localisation du Groenland, là, par rapport au bloc Amérique que Trump veut constituer, là, à mon avis aussi, là. Bien, on l'a dit tantôt, mais en plus, c'est que c'est des terres riches en minéraux, en métaux rares, que la Chine produit d'une façon plus facile parce que d'autres, ils en ont beaucoup. Mais on verra parce que moi, je pense que la Chine, les États-Unis, la Russie, ça va s'échanger. Il n'y aura pas de guerre. C'est pas du tout ce qu'on. Moi, pour moi, quand on dit qu'on s'en va d'un système multipolaire, c'est que les gens vont pouvoir échanger plus librement dans leur monnaie, puis dans le monnaie, les ressources qu'ils ont besoin. En Chine, ils ont peut-être beaucoup de minéraux, rien, j'ai tout le temps minéraux, là, mais je veux dire comment on appelle ça, des terres rares, mais ils n'ont pas tant de facilité à faire cultiver du blé, par exemple. Tu sais, on peut être des pays indépendants en ayant des ressources, mais pas tous les pays de la planète qui peuvent être indépendants. C'est pas tous les pays qui ont la richesse du Québec en passant et du Canada, là, ou des États-Unis. Combien qu'il y a de pays dans le monde? 180? Combien? 200? Je sais pas. Je ne sais pas exactement moi non plus, là, mais c'est sûr qu'il y en a Mais au-dessus tu d'une sais, il y centaine, a des là. pays qui sont pas capables de pouvoir être autonomes À tous les niveaux. Au niveau électrique, par exemple, ça prend des cours d'eau. Le Québec est fourni en cours d'eau. Oui, Mais c'est ça, quand je c'est dis on ça. devrait développer nos ressources au maximum, parce qu'on manque pas de grand-chose ici, de revenir à ça. Oui, ben moi aussi, Mais il je va y peux. avoir de l'échange international pareil, c'est sûr. Mais là, Exact. c'est une grosse mouvance internationale, c'est sûr. C'est du jamais vu depuis, je pense, ça s'était jamais vu avant, je sais pas, 1400 quelque, là. Dans le temps de Constantinople, pays grec, je sais pas trop, là. Je dis n'importe quoi. Mais c'est un changement qui est très, très important. Pour moi, c'est la fin du Deep State. C'est pour ça que je disais, il y a 4 ans, Ben, c'est la l'état fin de la profond, POCACEPS. ben, la fin de l'état profond avec Donald Trump, je ne sais pas à quel point, parce que il On va, ouais, verra. on verra, là, mais. C'est un peu tôt là, pour le voir, mais pour l'instant, ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est pas mal couper deux jambes au Deep State, là. Économiquement, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'il y a quelques années, là. Ils se sont fait couper les pattes un peu partout, là. Là, avec le COJ, là, ils coupent toutes les subventions à l'étranger, puis toutes les affaires, ou à peu près bizarres, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. C'est des milliards de dollars. Il a sorti les États-Unis de l'OMS, qui disent qu'ils vont avoir 20 % de budget à aller chercher. C'est pas vrai que les États-Unis représentaient juste 20 % du budget. C'est ce qu'ils disent, l'OMS, le retrait des États-Unis. Ah ben là, il va falloir retrouver 20 % parce qu'on a un trou de 20 %. Ah oui? Je suis sûre que c'est plus que ça, moi. Peut-être plutôt 35-40 %. Ah, ben, inquiète-toi pas, Bill Gates va combler. Non, il vient de couper Gavi. En tout cas, je te Ah, dis, il est en même train de Bill Gates se bossier, genre. retire. Ah, ben. Il va arrêter La d'égaver. prochaine étape, je pense que ça va être l'UE qui vont crever. L'Union européenne? Je pense que ça va tomber l'Union européenne. C'est clair que Trump va sortir de là aussi. Il sortir de partout, il veut rentrer chez eux, il veut fermer des bases militaires, il veut rentrer, il veut ramener les Américains chez eux, terminer les modes légers. Tu sais, on s'est plaint, mais en tout cas, moi personnellement, ça fait 50 ans que je me plaignais de l'hégémonie américaine. Il faut avoir voyagé un petit peu dans le monde pour comprendre qu'il était partout, ces colistes-là, excusez-moi, là. Je parle du gouvernement, je parle pas du peuple. Il était partout, les ONG, là, ce qu'on appelait les ONG, les organisations non, mais quoi ça, Non je sais pas, mais les... gouvernemental, c'est ouais, organisme C'est non par là qu'il gouvernemental à passe, but non puis j'ai lucratif. compris ça à 20 ans, moi, quand j'étais allée à l'ACDI, puis j'étais allée voir au Sénégal ce qui passait avec les budgets de l'ACDI. L'ACDI, c'est canadien, c'est une ONG, puis c'était la même crise de crosse qu'on parle aujourd'hui. Mais j'ai 20 ans, puis j'en ai 63, 64, là. Un maudit bout que j'ai compris qu'on se faisait... Ça fait longtemps qu'on voit les États-Unis s'étaler dans le monde, puis c'est ça qu'ils disent, terminé, on ne veut plus de cela. C'est pour ça que je dis que le jour de... Comment on appelle ça? Le La jour de quoi? libération. De libération, c'est aussi le retour de ce qu'aurait été la vraie Constitution américaine, puis ce que le peuple américain voulait faire, c'est-à-dire se développer eux, puis échanger avec le monde des ressources supplémentaires qu'il y avait. Mais c'est pas d'aller faire des guerres partout sur la planète. C'était pas ça l'objectif du peuple américain en 1700, en 1900, je sais pas combien, là. C'est la date, le 1700 que la Constitution américaine. Moi, non, c'est ça. À mon avis, ça n'avait pas une visée mondialiste comme ça. Pas du tout. Ça a été dérivé complètement et pris en contrôle vers 1913, je pense. Juste avant la deux Première Guerre mondiale, c'est là qu'ils ont pris le contrôle, les mondialistes. Mais Mais ils ont changé la Constitution aussi. Ils ont changé plein de volets de la Constitution pour essayer de passer les affaires, parce que ça n'aurait pas passé, tu sais. Mais tu sais, c'est parce que si les Américains se retirent de jouer aux gendarmes internationaux, faire la police avec les Exact. différents pays, ça va laisser un vide. Et ma crainte, c'est C'est que des pays comme par exemple la Chine vont se ramasser à faire du néocolonialisme comme ils le font déjà en Afrique. Dans le sens qu'ils Ça vont se peut. approcher des pays africains, ils vont leur dire, ben, vous n'avez pas les moyens pour vous créer un port pour faire l'exportation, par exemple, de minerais. Ben, à ce moment-là, nous autres, on peut vous le construire. Puis si vous n'êtes pas capable de payer, ben, on va le saisir, puis on va se l'approprier. Ça se peut, ça, David, mais rendu là, c'est aux pays de l'Afrique de s'organiser. C'est ça, être pays indépendant. C'est d'arrêter d'attendre des autres des solutions, puis de trouver pour toi des solutions. Tu sais, ça se peut. Oui, les Chinois, ils ont besoin d'aller à l'extérieur chercher des ressources. Ils en Entre autres, manquent. ben oui. Tu sais, c'est une grosse population, 1 milliard, 1 point quelques milliards. Ça commence à faire du monde à nourrir, là. Alors... Oui, ils vont peut-être essayer, mais chaque pays doit aussi, c'est ça, doit poser son pied à terre et dire, ben nous, on veut bien changer ça, mais pas plus que ça avec vous. Si les Africains s'organisent plus, là, on parle de l'Afrique, c'est un continent, là, Ouais. soyons moins méprisants. Certains pays de l'Afrique ont déjà commencé à se dissocier. L'AES, entre autres, c'est ça, l'AES, qui se dégage de beaucoup de ce genre de comment ça s'appelle l'autre regroupement africain, des pays africains, là. L'AES, c'est le Mali. Ça fait longtemps que je n'ai pas plongé là-dedans, les amis. Je m'excuserai, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Il y a trois, quatre pays qui se sont regroupés en Afrique de l'Ouest, là. Ils ne veulent rien savoir d'être envahis par les autres pays, puis essaient de se développer leurs propres ressources, puis d'échanger. Là, il y a les Russes qui sont là. Est-ce qu'ils vont avoir la même attitude que les Américains dans le temps? On verra. Ça, c'est à eux de régler ça, pas à moi, en tant qu'Occidental, d'aller lui dire quoi faire. Oui, exactement. Par C'est ça, contre, être autonome. Moi, on me c'est dit, ça. Mona, quoi faire? On ne me le dit pas longtemps, hein, parce que je finis par dire, excuse-moi, mais même toutes tes affaires. Je vais faire ce que j'ai à faire. Parce que ça. C'est un peu tantôt, on parlait de la cigarette qui dérange certaines personnes. Mais excusez-moi, pas de vos affaires. C'est mes affaires. Mais t'as pas à juger ce que l'autre fait. C'est ça qu'on fait. On passe notre temps à juger tout le temps les autres. Puis là, on veut aller les aider. C'est pas vrai, ça, de la bullshit à aider. On n'aide personne. Mais ça fait partie de nourrir le mythe du sauveur en soi, qu'on est donc Ouais. bon, on est donc fin. Puis C'est ça. j'avais trouvé intéressant ré récemment parce que, bon, Elon Musk a fait des coupures par rapport, entre autres, à US Aid. Ah oui. Donc, supposé, entre autres, faire de l'aide internationale. Puis ce que j'apprenais dans le documentaire, c'est qu'il envoyait des endroits, comme par exemple à l'Ukraine, des endroits géopolitiques sensibles pour. Dans le fond, par la suite, qu'il y a des membres de la CIA qui infiltraient, dans le fond, l'organisme pour faire de l'espionnage rapproché. Fait que au nom de l'aide humanitaire que tu as dans d'autres pays, tu envoies des gens pour, Ça. dans le fond, avoir des lieux stratégiques pour, par la suite, dans le fond, ramasser de l'information par rapport à d'autres C'est pays. ça. Mais Ouais. c'est ce que moi j'appelle les ONG. Entre autres. USAID, c'est une sorte d'ONG. Ouais. On a ici la même chose. Je ne sais pas si c'est au Canada, là, je ne sais pas si ça avait sorti. C'était au Canada qu'il y avait. Je sais pas, je pense que c'était 25 ou 30 millions. Je ne sais pas les chiffres exacts, là, mais c'était dans les 30, 20, entre 30 et 50 millions qui avaient été donnés en Éthiopie à travers un organisme non gouvernemental pour faire des affichages pour éduquer le monde de ne pas chier sur la plage. Oui, exact. Mais oui, c'est pardon. Excusez, d'ailleurs, donc voilà, les 50 millions vont être dépensés pour ça. C'est sûr que l'argent allait ailleurs. Peut-être qu'ils ont mis 3 000 piastres sur ces pancartes. C'est Pour ça, puis c'est une profiter. opération sous faux drapeau. Excusez. Ouais, Mais exactement. il n'y a pas juste les États-Unis qui font ça. La France, tous les pays de l'OTAN font le Canada, la France font ça. Fait que, tu sais, ça serait important de faire des doges dans tous ces pays-là, d'ailleurs. Oui, exactement, parce que sans doute beaucoup d'opérations sous faux drapeau qui ont cours. Effectivement. C'est ça. Mais moi, ma curiosité, ça va être de voir qu'est-ce qui va se passer dans le fond dans les prochains mois. Parce que pour l'instant, suite au jour de la libération, en ce jour 2 de cette nouvelle ère trumpienne, les marchés réagissent très mal, dans le sens que les SP500, le Nasdaq 100, ils ont perdu chacun là, à peu près de leur côté le 5% de leur valeur. Tu te rappelles-tu quand je t'ai dit en privé d'attendre 100, les 100 premiers jours de Trump avant d'embarquer dans le marché? C'est exactement ce que je voulais dire. Parce que là, plus les actions descendent, mieux c'est. Parce qu'elles sont surévaluées. Je suis désolée, là. Mais la bourse, la plupart des entreprises, les grosses capitalisations sont Ah surévaluées oui, ben, depuis des années. oui. Fait que c'est intéressant qu'elles descendent parce que moi, je vais les acheter. Je ne te dis pas qu'ils vont tout crever. Je ne parle pas d'un crash financier, mais s'ils ont une perte de 25-30 %, ce qui est certains d'entre eux qui subissent déjà, là, 30 puis 40 %, là, je vais regarder ça. Vous pourrez acheter ça dans quelques mois. Ben, on peut adopter Et... la stratégie un peu comme Warren Buffett, c'est-à-dire attendre que les Exactement. soldes arrivent et acheter à rabais des titres de qualité. Exact. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est sûr que moi, personnellement, ce que je fais présentement, j'ai beaucoup passé de temps dans les derniers jours pour étudier les titres de fonds négociés en bourse par rapport à l'or à effet de levier. OK. J'ai trouvé comme titre le GMLP, LDU-C pour Canadien. C'est un titre qu'on peut acheter en dollars canadiens qui va multiplier par deux la valeur de l'or. Dans le sens que si une journée, l'or augmente de 1,3 %, bon, ben ça va augmenter de 2,6. Fait que, Ah, c'est sur l'indice, c'est ça? oui, sur l'indice de l'or. GLDU. Oui. GLD comme gold. OK. Puis l'année passée, il a fait 67,72 % de rendement. Tandis que le titre que j'ai sur l'or avant, il a fait à peu près 30 %. Fait que tu augmentes, t'amplifies. Fait que moi, dans le fond, ma stratégie, là, c'est ça, c'est pas un conseil financier ici. Là, je fais juste parler pour des fins de décrire qu'est-ce que je fais, puis je l'évalue. Il est en dollars canadiens. Dans le même type d'effet de levier, j'avais trouvé le UGL-U pour en dollars US. Lui, il a fait 72 % de rendement l'année passée. Lui, par Wow. contre, il y avait un frais de gestion plus bas, 0,95 % de frais de gestion, tandis que le GLDU que je parle, il y a 1,77 %, donc il coûte plus cher. C'est sûr que souvent, ce qui arrive avec les fonds négociés en bourse en dollars canadiens, vu qu'ils ont moins de volume par rapport à la masse des investisseurs, ben les frais de gestion sont plus élevés. Il n'y a pas d'économie d'échelle autant que par rapport à le même type de fonds en dollars américains. Mais je fais des Mais quand tu dis recherches. un fonds de gestion d'1,4% puis que le rendement était de 60%, c'est quoi le problème? Ben, en fait, il n'y en a pas tellement. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il sera à 0,95 au lieu de 1,77, là, idéalement, c'est de trouver les frais de gestion les plus bas. Mais il performe vraiment très bien. Mais s'il y a des gens qui m'écoutent puis vous avez d'autres idées de fonds négociés en bourse présentement, entre autres en lien avec l'or que vous trouvez intéressant, vous pouvez me partager les coordonnées là, en bas de l'enregistrement présent. Mais ma stratégie présentement, puis on verra qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, c'est que les grands indices, SP500, Nasdaq 100, les grandes capitalisations américaines, qui à mon avis ont probablement été surévaluées dans les dernières semaines, vont se mettre à descendre. Puis pendant ce Dernière temps-là, semaine, tu veux dire des dernières années, pas les oui, ça dernières sera encore semaines. plus rigoureux, là. OK. Mais je veux dire, il y a eu un grand boom, en fait, entre la période que Trump a été élu, parce qu'il y avait un enthousiasme fou sur les marchés. On l'a vu entre autres avec Tesla, qui avait augmenté en malade. Là, ils ont. Oui, mais tu as vu comment il est attaqué aussi? C'est ça. Là, présentement, il a baissé. Là, il y a un rééquilibrage, là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'hypothèse que je fais, c'est qu'il va y avoir une augmentation des titres liés à l'or. Donc, quelqu'un qui a un fonds négocié en bourse en lien avec l'or, ça risque, à mon avis, si la tendance se maintient d'augmenter. Puis si quelqu'un veut tirer profit de la situation, ben c'est prendre un fonds à effet de levier qui amplifie la performance de l'or. Puis là, ce que je parlais des deux fonds, c'est des fois deux, mais ça se peut qu'il y ait aussi des fois trois. Fait que là, ça augmente de trois. Donc, quelqu'un qui, une journée, l'or augmente de 3 %, ben la personne ferait 9 % de rendement, là. Fait que là, c'est ça. M'intéresse, moi, en tout cas, je vais t'en reparler en privé, ça. OK, Je connais pas parfait. ça, mais ça m'intéresse. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire concrètement, c'est qu'il y a à Ça a peine du 5 mois, sens. j'avais pris le UGL-U que je parle, puis j'ai fait 29 % de rendement. Pas sur un an, là. Fait qu'imaginez, sur un an, Non. c'est à peu près 60 % au moins. Donc, j'essaie de surfer sur la vague montante de l'or qui a franchi le cap des 3 100 $ récemment Ouais, il est à en dollars 4 400 US. Canadiens. Ouais, c'est ça. Moi, parce que je travaille avec le US. Correct, il n'y a pas de souci, mais j'informe les clients de Canadiens. C'est 4 400 Canadiens présentement. Exactement. Pourquoi que je parlais d'ailleurs d'un fonds canadien, c'est que le problème présentement, c'est que nous autres, en tant que Canadiens, pour investir en dollars US, les frais de conversion de devises, dans le sens que si le dollar canadien vaut 70 sous américains, c'est moins payant que s'il vaudrait 80 sous ou 75 sous. Donc, on y perd au change, mais il existe des fonds quand même en canadien, mais il y en a moins. Il faut faire des recherches plus importantes. Mais c'est ça, mon hypothèse de travail, je vais essayer d'aboutir où ce que je voulais en venir, c'est que, dans le fond, ce que je fais présentement, c'est que j'investis sur l'or, j'ai changé mon positionnement de portefeuille. Dans les dernières semaines, c'est sûr, j'ai délesté là, ce que j'avais dans le canadien. Puis, quand que... Dans le fond, les titres vont avoir baissé là, significativement là, par rapport aux grands indices SP500, Nasdaq 100. S'il y a une correction, par exemple, entre 25 et 40 %, bien, racheter les titres au C'est plus bas, ça. prendre l'argent que j'ai mis dans l'or avec des fonds négociés en bourse et la déplacer vers vendre des titres que j'ai liés à l'or pour acheter des titres liés avec des indices comme par exemple le QQQ lié au Nasdaq 100 ou des titres liés au S&P 500 pour faire un transfert puis les avoir à rabais. Puis ensuite, attendre tout simplement que ça remonte là, après qu'il y ait eu la purge suite à l'annonce des tarifs. Ben, en tout cas, ben, je trouve la stratégie intéressante, puis ça me rappelle Charles. J'écoutais Charles Gave hier matin un petit peu, puis ça me fait penser qu'il disait, je suis tellement écœuré d'entendre chialer le monde comme quoi donc triste qui se passe aujourd'hui, puis qu'il faudrait revenir à ce qui était avant, puis il disait, mais arrêtez de penser de même. Il y a toujours une opportunité. Il faut juste comprendre comment ça se passe. Fait que c'est un peu ce que toi, tu fais, là. C'est de changer ton thinking d'avant pour dire, je vais regarder qu'est-ce qui se passe géopolitiquement, puis c'est quoi. Puis là, on peut s'enligner pour avoir. Il y a toujours des occasions de faire de l'argent. C'est juste qu'il faut changer, faut être très résilient puis être capable d'arrêter de penser comme avant. Puis Exactement. on le dit, là, il y a un changement radical sur le marché international qui crée de la fluctuation. L'autre fois, je riais parce que quelqu'un me dit, un marché fluctuant. As-tu déjà vu un marché pas fluctuant, toi? C'est un marché, par définition, le marché boursier, c'est fluctuant. Exact. C'est pas plus, c'est fluctuant un petit peu plus ces temps-ci, mais ça va se calmer, puis il y a d'autres choses, d'autres opportunités qui apparaissent, exactement. C'est d'autres opportunités. Il faut penser autrement. Puis Tesla va devenir une entreprise probablement extrêmement intéressante à acheter bientôt. Je gage mes culottes que M. Buffett va s'aligner dedans. Ça reste à voir parce que Warren Buffett, en tant que tel, dans son approche d'investissement de ce multimilliardaire américain, c'est d'investir dans ce qu'il connaît très bien. Or, la problématique par rapport à lui, c'est que les nouvelles technologies, comme par exemple l'intelligence artificielle, puis tous les trucs liés à la robotique que va développer Elon Musk, lui, il connaît pas nécessairement ça. Il n'a pas grandi avec ça. Le monsieur est âgé de plus de 300, de 90 ans. Ouais, il est Donc, sur le bord de mourir un jour. il est atteint présentement du cancer de la prostate. Oh. Par contre, comme il est avancé en âge, la progression se fait plus lentement que si ça serait un jeune de 20 ans, là, on s'entend, là, à cause de Ça la dépend du cancer de la multiplication prostate aussi, David, là, cellulaire parce qui est que moins vite. c'est assez rare que les gens meurent d'un cancer de la prostate aujourd'hui. Il faut le faire. Faut être pris très tard. Puis, Ben, ça je peut pense qu'un toujours se gars s'en rend compte bien généraliser, avant. là. Oui, ben exact, là, parce que là, si dans le fond la prostate gonfle, il va se rendre compte parce que l'urine passera plus. La pause plus. Ben, c'est ça, là. Mais c'est intéressant de la vision que tu as du marché, je trouve ça intéressant. Parce que moi, c'est ça, je vois que, tu sais, au lieu de se sentir victime en disant, ben, c'est pas drôle, le TSX baisse, le S&P 500, Nasdaq, les grands indicateurs, le MSCI World, ben. Moi, la façon que je vois ça, OK, pourquoi pas modifier le portefeuille, mettre l'emphase sur l'or pendant que l'or augmente. Puis l'or en C'est tant que ça. tel, c'est dans le fond une valeur qui, historiquement, tombe pas à zéro. Je veux dire, dans l'investissement que j'ai fait en crypto-monnaie, en passant, c'est sûr que je suis très transparent avec les gens, là, que ce soit les gens qui m'écoutent. Si aujourd'hui je vendrais mon portefeuille, je serais dans la grosse merde. Parce que j'ai eu une grosse dévaluation qui a eu cours dans les dernières semaines, en lien avec l'instabilité des marchés. Je veux dire, les actions, pas les actions, mais les fonds négociés en bourse, j'avais pris avec l'Ethereum, j'étais à du moins 43. Le Bitcoin qui est en dessous du 100 000, il est à peu près je regardais tantôt, il était à 82 000. Je l'avais acheté alors qu'il valait 80 000 par rapport au fonds négocié en bourse qui sert à répliquer le prix, là. J'en ai pas acheté pour 82 000 $, là. C'est plus. Non, mais j'en ai. Parce que quand même, un montant important, là, je tiens à le clarifier puis de dire. US, en passant, c'est 82 000 US, c'est 100 quelques mille Canadiens. Non, c'est ça, exactement. Mais je tiens à le clarifier parce que des fois, il y a des gens qui disent, ben là, moi, je ne peux pas investir dans le Bitcoin, c'est trop cher. Non, tu peux acheter un fonds négocié en bourse qui va C'est ça. coûter peut-être 20 ou 40 $, qui va répliquer le comportement du Bitcoin, chose que j'ai faite. Même chose pour d'autres crypto-monnaies. Mais en réalité, mes crypto-monnaies, ils ont perdu au moins 40 % de leur valeur en moyenne. Et ce qui est arrivé, c'est que quand Trump a été élu, c'était la phase d'euphorie, tout montait. Moi-même, j'ai acheté dans cette période-là où c'était montant, là, tu sais, le Bitcoin qui passe de 76 000 à au-dessus de 100 000 $ en quelques semaines. C'est sûr que c'était euphorisant. Puis après ça, ben, ce qui est arrivé à cause d'incertitudes, ben, les gens, par rapport à un produit qui est risqué, c'est-à-dire une crypto-monnaie, sont moins enclins. Puis là, ils vont se réfugier sur des valeurs sûres qui ont fait leur preuve à travers l'histoire, comme des métaux, comme l'or. Bon, on le voit avec le prix de l'or, parce que sur les 3 dernières semaines, le prix de l'or a pris 300 $ quasiment. Il est redescendu, il y a une correction cette semaine, là. Mais sur un mois, j'ai vu monter quasiment 300 $ l'once d'or. Et ça veut dire que le marché boursier, il y a du monde qui se refuge là, Ben dans oui, l'or. moi j'ai l'impression que les gens vont délaisser les grands indices américains comme le S&P 500, Nasdaq 100 pour aller sur l'or en regardant à distance comment que le marché américain va se structurer, restructurer en fait avec les changements qu'apporte Trump. C'est peut-être ça qu'on parlait quand on disait qu'il allait y avoir un crash boursier. C'est peut-être pas un crash boursier, mais ça va être une chute boursière importante pour les raisons qu'on a expliquées. C'est que la plupart, je pense qu'il fait ça de façon lucide en passant, Trump. OK, le marché boursier ne l'aime pas présentement. Pourquoi? C'est parce que ça va faire tomber leur surévaluation de leurs actions. Je pense que c'est ça l'objectif, c'est de ramener les entreprises, les capitalisations à un prix qui est raisonnable quand on regarde l'analyse fondamentale des entreprises. Charles Gabb donnait comme exemple, un exemple très intéressant. Il disait qu'Apple roulait sur sa réputation sur la vente des téléphones iPhone, entre autres. Depuis 2015, les ventes n'ont pas augmenté, mais l'action à la bourse a monté de 300 %. Hein? Comprenez-vous ce que je dis, là? Pas bien bonne en économie, mais ça, je l'ai compris. Ce que tu vends, si tes ventes ne montent pas depuis 2015 sur ce que tu vends, comme l'exemple des téléphones, ils font. Les ventes sont stables, il n'y a pas d'augmentation de vente, mais que ton action a monté de 300 % de 2015 à aujourd'hui, ça s'appelle une surévaluation des Exactement, actions. c'est Et je ça. pense que c'est à ça que Trump s'attaque. Moi, j'ai l'impression que c'est plus, dans le J'ai l'impression. fond, les changements qu'il fait, entre autres, j'ai l'impression, ben, je le trouve intéressant en passant, Charles Gave, là, puis les gens qui nous écoutent, vous pouvez écouter ses vidéos là, sur YouTube, là, il y en a plein, là, ils commentent régulièrement. Gave. Oui, Pour les Gave. Québécois, là, je pense que les Français le connaissent bien, mais Charles Gave. Gave. Ouais. Oui, puis il a créé une école qui s'appelle. Il a même créé, je pense que c'est gratuit, j'ai ça en note quelque part. L'Institut de quelque chose, là? L'Institut de quelque chose, oui, Oui, je me rappelle exactement. pas en détail c'est quoi, là. Je regarde si je ne l'aurais pas en note, là, mais il a créé une institution d'éducation des gens avec sa fille. Ils font des entrevues, puis ils présentent aux gens une éducation, comment vous éduquer pour faire de vous occuper de votre argent, être autonome. Comment ça s'appelle? C'est ça, je ne le trouverai pas dans la recherche, je ne trouve jamais rien. Mais institut, je pourrais le retrouver si les gens, ça les intéresse. Écrivez-moi, je le lis quelque part dans mes affaires, c'est juste là, je vais vite, je ne le trouve pas. Tu peux m'écrire, je te l'enverrai, je l'ai. Il est très intéressant. Je vais y aller l'étudier. Je n'ai pas eu le temps dernièrement, mais je vais aller voir cette chaîne-là d'ailleurs. Mais sinon, dans Faudrait les que je parle. Québécois, il y a Yves Usureau Yves Bizerot. qu'on avait déjà parlé, qui est très intéressant. C'est sûr qu'on va voir si dans les prochains mois, l'or va franchir le cap des 4 000 $ US. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient pourquoi j'avais contribué à Lux Media, c'est pour avoir accès à Yves Bizerot. En passant. C'est grâce à lui que je fais de l'argent aujourd'hui. Excusez-moi, je vais fermer une fenêtre, là, parce qu'il faut que je me déplace 2 secondes. Non, non, ben Mais c'est bien correct. Mais pour les gens qui veulent en savoir un peu plus par rapport à Yves Usureau, vous pouvez retrouver sur YouTube, il a fait une vidéo, ça s'appelle Les cycles de l'or et de l'argent. Ça donne vraiment le fondamental, parce qu'il y en a d'autres qui commentent l'actualité, là, mais pour avoir une bonne mise en contexte par rapport à l'or et dans le fond, sa croissance au fil des ans, c'est d'écouter la vidéo qui s'appelle... Vous tapez là, Yves Usureau et les cycles de l'or. À ce moment-là, ça va vous donner une base si ça, vous voulez aller plus loin là, dans l'étude par rapport à ça. Parce que présentement, on serait en cycle orifère, selon lui, puis d'autres C'est auteurs ça. aussi. C'est l'hypothèse aussi Pour sur. 10 ans, hein, il avait parlé d'un cycle orifère d'une dizaine d'années qui a commencé à en parler l'année passée. Il y a 2 ans, pardon. Exact. Fait que là, le scénario qu'il présente, ben, ça va être un enchaînement, dans le sens que non seulement la valeur de l'or augmente, mais aussi les entreprises d'exploration et aussi d'exploitation minière liées à l'or vont augmenter. Puis là, on parle de multiples plus importants que la valeur de l'or potentiel. Puis par la suite aussi par rapport à l'argent, le silver, là, le métaux, qui va peut-être franchir la barre des 55 dollars US bientôt. Ouais. Wow. Donc, ça va être des dossiers à suivre. En tout Donc, cas, on s'ennuie pas ces temps-ci, les amis, peu importe que ce soit ah, économique et géopolitique. oui. Mais tu sais, c'est tellement incroyable les temps qu'on vit. Je discutais récemment avec une personne. J'ai dit, réalises-tu que le tarif de 25 % sur une automobile qui, par exemple, est produite au Canada, donc en Ontario, une auto est produite. L'Américain qui va vouloir l'acheter, disons que c'est une auto qui vaut 50 000 $ normalement, avec le tarif de 25 %, ça va lui coûter 12 500 $ de taxes, ce qui fait que l'auto va passer à 62 500 $. Et si par la suite, eh bien, le gouvernement canadien, chose qu'il vient de faire récemment, impose des tarifs de 25 % sur les autos produites aux États-Unis et vendues au Canada, comme l'a Même chose. annoncé M. Carney, ben, ça va être la même chose que vont vivre aussi les Canadiens. Et comme Trump l'avait déjà dit dans le passé, il dit, si le Canada réplique au tarif, il est possible qu'il réplique avec d'autres tarifs. Ce qui veut dire que 50 % qu'il a dit. 50 %. Donc, ce qui veut dire que le taux qui valait 50 000 $ aux États-Unis, s'il réplique avec un tarif qui fait en sorte que ça coûte 50 % de frais de douane, ça veut dire que ça va coûter 25 000 $ Arrête-toi là, supplémentaires. mon ami, parce qu'on va être à genoux bien avant longtemps. Est-ce que le Canada ne peut pas faire la guerre économique aux États-Unis? Trompez-vous pas. C'est 10 fois le PIB du Canada. C'est 340 millions d'habitants sur 43 millions au Canada. Oubliez ça, les deux genoux vont nous casser. Puis plus vite on va le faire avec. Si Carney est élu, ça va être très rapide. Je ris parce que je déteste Carney. Moi non plus, Si je les gens n'ont l'aime pas pas. compris c'est qui Carney, je vais aller chier quelque part parce que ça n'a aucun crisse de bon sens. Puis savez-vous comment j'ai connu Carney, moi? C'est quand j'ai contribué pour Convoy Canada. Qui a bloqué les banques, les calices? C'est lui qui a conseillé Trudeau de bloquer les fonds que les gens envoyaient pour supporter Convoy Canada, dont je fais partie. Donc, supporter les Ça venait de camionneurs. OK. Carney. Puis Carney, il y a plein de squelettes dans le placard en passant. Informez-vous, qui est sa femme? Oh. Ouais, je ne me rappelle plus c'est qui, elle, là, mais je sais qu'elle est liée avec le World Economic Forum solide, Oh, puis ça me elle a des liens surprendrait sanguins pas. avec des hosties de cochons sanguins, d'ailleurs. Fait que c'est toute une même clique, ça. Carney, il y a des squelettes dans le placard, c'est clair. Il vient des banques. Oui, c'est un D'où il ancien sort, lui, banquier. Chris? C'est lui qui a créé en 2008 la crise qu'ils ont connue en Angleterre? En tout cas, informez-vous comme il faut sur Carney, parce que moi, je ne retiens rien intellectuellement. Ça, je t'ai dit un peu en privé, là, c'est difficile pour moi, des fois, de discuter de ces choses-là. Il faudrait que je les parle au moment où je les apprends. Là. Non, non, mais c'est pas grave, là. Sinon, je ne retiens On pas. n'est pas. Mais Carney, je Oui. m'en souviens de lui à cause du Convoy Ben, Canada. oui, ben c'est ça, le convoi pour la liberté. Où est-ce que les gens qui manifestaient à Ottawa s'étaient fait bloquer Pacifiquement. exactement, mais qui étaient diabolisés par les médias. Donc, on se demande même, en tout cas, bref, il avait mis en place des mesures extrêmes comme, dans le fond, geler des comptes bancaires. Donc, c'était des Il a mesures. même dit qu'on devrait être emprisonné pour insurrection. Ne nous affolons Hein, pas. ouais, d'insurrection. Autrement dit, tu es en train de nous dire qu'on est fait. Y a aux États-Unis, l'insurrection qu'ils ont supposément faite, qui est une fréma. Nous aussi, on fait ça. J'étais sur place en passant, puis il n'y avait rien, aucune insurrection. Tout le monde était très pacifique. J'étais 2 semaines là-bas. Faites-moi pas chier avec le mensonge. Ah non, je l'ai eu, carrément, je veux le manger tout rond. Non, non, mais moi non plus, je l'aime pas. En fait, il fait partie de la gang de Trudeau depuis un peu plus de 10 ans. Puis Ben, on c'est a... le boss à Trudeau, Ben... attention. C'est pas la gang à Trudeau, c'est le boss à Trudeau, Non, non, ça. c'est Fait ça, qu'il était mais en caché. fait, le Là, il est plus point, caché. c'est ça. C'est parce que là, on nous le présente comme étant celui qui va amener du renouveau au Parti libéral, mais il fait déjà partie des meubles depuis longtemps. Hey, Bilderberg, il fait partie de l'administration de Bilderberg. Excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes, je reviens là, mais c'est qui Bilderberg? Ben oui. Mais c'est quoi, je devrais dire? Mais il faut que les gens s'informent. Bilderberg, là, c'est 140 personnes qui mènent le monde économique. C'est ça, la réalité. Excusez-moi, je reviens. Bon. Ben là, c'est sûr que Excusez-moi, ça, il n'y a pas de problème. Ça va être un dossier à suivre, là, c'est sûr, par rapport à Carney. En fait, lui, il se présente présentement à la présidence du Canada. C'est sûr qu'il en fait chier plusieurs. Au sens littéral. Mais en fait, ça va être un dossier à suivre dans les prochaines semaines parce que là, il y a Poilievre aussi là, qui se présente à la présidence du Canada, du Parti conservateur. Et probablement, ce qui va arriver, ça va être, c'est sûr, un dossier à suivre, là, c'est que pour l'instant, là, Carney, à cause de l'incertitude, etc., il y a beaucoup de gens qui veulent voter pour lui. Et puis, s'il rentre en poste, j'ai l'impression qu'un peu comme il va poursuivre l'œuvre de Justin Trudeau, peut-être qu'il n'y aura pas autant le côté théâtral que Justin Trudeau, hein? Donc, Justin Trudeau, qui était très expressif, qui maîtrisait mieux la langue française aussi que Carney, qui était une figure un peu plus sympathique. Carney, je le trouve peut-être un peu plus introverti, donc, comme personne, là. Mais quoi que. Ouais, Carney, en fait, je le considère unilingue, non bilingue. Non. Il est plutôt comme moi, blé d'Inde. Mais c'est un peu insultant pour les Québécois le fait qu'on dirait qu'il ne fait pas l'effort de parler comme faut le français ou de l'apprendre, tu sais. C'est clair qu'il se crisse de tout le monde, ce gars-là. C'est clair qu'il n'a rien à souhaiter du peuple canadien. C'est pas son mandat. Il travaille pour Bilderberg. C'est un regroupement de privés qui décident de ce qu'ils vont faire avec l'économie, avec nos argent. C'est ça, la réalité. Ils sont à peu près 140. Puis il fait partie de l'administration de Bilderberg. Autrement dit, il est dans l'administration, là. Tu n'arrives pas là et deux doigts dans le nez, bonjour, je débarque, fait qu'il y a de l'acquaintance avec beaucoup de choses, ce gars-là. On va découvrir ses petits squelettes bientôt. Mais s'il est au gouvernement du Canada, ça va juste mettre le Canada à genoux encore plus, parce qu'oubliez jamais, ça c'est ma perception, puis je ne me suis pas trompée jusqu'à présent, jamais les États-Unis vont tolérer que le Canada lui fasse la guerre. Oubliez ça. On va devenir le 51e. Ils vont nous casser les deux jambes, pas compliqué, mais on va être obligé de devenir le 51e État des États-Unis. Puis même Mme Smith en Alberta, là, Carney l'aime pas bien, mais elle a dit, essaye-toi pas avec le pétrole, parce que nous, on passe un référendum, puis on vote pour l'indépendance, puis on s'en va aux États-Unis, Chris. Puis l'Alberta, c'est la province la plus riche en équation. L'adéquation, là, tout le monde ne sait pas c'est quoi au Canada, l'adéquation. Le Québec en dépend pour 28 milliards. Ça vient de l'Ouest canadien en grande partie. Ben oui, puis ça fait des années que le Québec est l'assisté social du Canada, dans le sens qu'on bénéficie plus de la péréquation qu'on y contribue. Péréquation, exact. C'est ça. Exactement. Mais moi, j'ai l'impression que Carney risque d'être réélu, puis ils vont endetter encore plus le Canada. Pas sûr qu'il est élu, moi. Je pense que la propagande journalistique fonctionne bien, mais je pense pas qu'il rentre. En tout cas, Je pense que ça va présentement, être il est poil de... Je populaire pense dans que ça les va être poil de sondages. lièvre, moi. Moi, j'aimerais bien que ce soit Poilievre qui rentre, là, c'est sûr. Ben, Trump, quand il a fait sa déclaration, n'oubliez jamais que Trump, c'est le roi du trolling. Okay? Il vient dire, ah, oh, ben moi, j'aime bien mieux négocier avec Carney que Poilievre. C'était un bon, celle-là, je l'ai ri pour 5 minutes. Imagine, sachant, puis il sait, le Trump, que la grosse partie des gens qui votent libéraux, c'est des boomers, des gens de ma génération, entre autres, et plus vieux, qu'il y a au moins 50 % des boomers qui votent libéraux colorés rouges, là, de la fin des temps, tu sais. En disant puis que les libéraux détestent Trump, alors lui, il dit, moi, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec Carney, on s'entend bien. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il est en train de favoriser le vote à Poilievre. Parce que les Canadiens qui détestent Trump vont dire, ben, Chris, tu penses qu'on va avoir Carney au pouvoir, toi, mon destin, on va aller voir. Ben, On en va aller fait, voir. Carney serait sans doute plus docile, moins hostile à Trump, pour le Non, non, non, confronter. non, non, non, non, non, je suis désolée. Là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Vas-y, je te laisse explorer, mais non, Mais on quand reste comme même, ça. quand il l'a rencontré, Carney, il l'a appelé président au lieu de gouverneur, à la différence de Justin Trudeau. Non, c'est impossible que Trump aime Carney. Oublie ça. C'est pas un mondialiste, Trump, puis Carney, ça en est un. Donc, non. Ça se peut que là-dessus soit en conflit d'intérêts, là, ça c'est clair. Claire. Puis je pense que si Carney est au pouvoir, c'est là que Trump va dire je me calisse du Canada puis il va me mettre les genoux à terre. Ben, justement, C'est par ça que je rapport à pense. ça, je voulais t'entendre, parce que, il y a Normand Pinard, qui est, dans le fond, un voyant et métaphysicien, qui a Oui. fait une série de vidéos récemment, sur sa chaîne YouTube, où il parlait que le Canada, dans le fond, lui, dit que le Canada est devenu, de ce que j'ai compris, le 51e État des États-Unis. Que, dans le fond, c'était Ça se peut. inévitable que ça allait se concrétiser, que, de ce que je comprenais de son propos, c'est comme c'est déjà fait au niveau de l'énergie, ça va juste comme descendre puis s'actualiser. Ben, je sais pas, c'est d'où ça me revient, mais je l'avais dit dans une entrevue avec toi, au début qu'on se parlait, là, dans la première année ou deuxième année, j'avais dit que je voyais le Canada comme 51e État. Donc, c'est quelqu'un Les qui nous États-Unis. écoute, puis vous pouvez retracer l'enregistrement, parce qu'on a fait des enregistrements des fois qui duraient 1 heure, 2 heures, voire même 3 heures de temps. Si vous avez l'extrait, vous êtes les bienvenus pour me le partager en bas de l'enregistrement présent ou par courriel. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est quand les gens veulent relayer des liens YouTube ou des liens par rapport à des vidéos, YouTube interprète ça comme étant des publicités intempestives puis, ou des spams. Ils bloquent. Ils vont bloquer des liens. C'est ça le problème que j'ai, là. Fait que sinon, vous pouvez marquer le nom tout simplement de l'émission puis à combien de minutes du début que vous avez entendu ça. Pour me le partager, donc, puis pour les gens aussi qui l'écoutent. Mais si vous partagez un lien direct, ça c'est vrai par rapport à différentes vidéos, parce que des fois, des gens essaient de me partager des vidéos, puis je vois que c'est bloqué, mais c'est parce que il y a comme un filtrage qui se fait par rapport à YouTube pour empêcher qu'il y ait des gens qui partagent des vidéos qui n'ont aucun rapport avec le sujet abordé, j'imagine, tu sais. Mais c'est un peu plate pour ça, mais il y a beaucoup de choses que tu as dit dans le passé. Ça devient intéressant de voir comment que les événements se placent. C'est sûr que, dans le sens que, tu t'avais dit qu'il n'y aurait pas de guerre nucléaire, puis c'est vrai qu'il n'y en a pas. Ben, dans le temps, il faut se rappeler qu'il y avait une crainte immense, là, il y a 2 ans, 2, 3 ans, une guerre mondiale. J'avais dit, il n'y aura pas de guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, c'est pas ça. Ce ne sera pas des bombes. On est dans une guerre, c'est clair, mais pas une guerre mondiale, mais une guerre commerciale, clairement. J'avais dit aussi qu'il n'y aurait pas de l'Iran, l'Irak, tout ça, c'était réglé. Il n'y a rien qui se passe avec eux autres. L'Israël, ça va être le dernier sujet réglé que j'ai dit, ça va être probablement en réalité aussi. Mais je pense que monsieur, comment il s'appelle le monsieur que tu as nommé, là, Normand Pinard, donc monsieur Pinard, je l'ai écouté une fois, puis c'est effectivement, il se dit médium, puis je vois qu'il canalise, mais je suis peut-être capable de canaliser ça, mais je ne m'en rendais pas compte, les annales akashiques. Mais je vois la même chose que lui un peu arriver, dans le sens, je ne sais pas, ça va être le 51e État, le Canada, ou. Ce que je disais tantôt, une union entre les pays de l'Amérique du Nord avec la même monnaie, avec l'Amérique, mettons, la pièce américaine. On garde toutes nos identités, Mexique, Canada, États-Unis, mais on roule avec la même monnaie. Ça serait très intéressant pour tout le monde. On serait très avantagé comme Canadien. Puis il reste le pays est autonome pour ses affaires, aussi, là. Il y a moyen d'arriver à une entente comme ça avec un Trumpiste. Mais Oui. là, on verra si c'est ça qui arrive. Mais M. Pépinard, je pense qu'il n'y a pas tort. D'après moi, ça a du sens. Ça me vide. Mais moi, je trouvais ça intéressant parce que toutes sortes de propos, lui, de ce que je voyais, était plutôt favorable à Donald Trump, de ce que je comprenais. Puis, il disait, puis c'est vrai, là, Donald Trump, il est âgé de 78 ans, puis pour son âge, il a une grande énergie, dans le sens qu'on voit régulièrement des conférences de presse, il est encore très lucide, il est rapide. Donc, je veux dire, c'est vrai que c'est une force de la nature. Il y a quelque chose, cet Claire. homme-là. dans le sens que beaucoup de gens rendus à cet âge-là, ils vont se bercer dans des chaises berçantes dans des résidences de personnes âgées, là, tu sais, ils chercheront pas, dans le fond, à travailler autant qu'ils le font, là, tu sais. Non, ça c'est clair. Mais c'est pour ça que je disais qu'il y a une fonction, cet homme-là, dans le corps. Une fonction, ça s'exécute, tu le veuilles ou pas. C'est pas une mission, une fonction, pour ceux qui font pas la différence, là. Je ne veux pas l'expliquer nécessairement. Mais une fonction, ça s'exécute, que tu sois conscient ou pas. Ça va s'exécuter. Tu viens avec ça comme. C'est ça ta raison d'être sur la planète, cette fonction. Ça va s'exécuter. Mais oui, il y a une force incroyable. C'est un géant aussi, il est grand. Tu sais, Oui, il est grand physiquement, il parle fort, on voit qu'il y a de Il l'énergie bavule. aussi, il est combatif, mais la particularité, je pense, c'est son énergie qui fait qu'il n'arrête pas une conférence de presse par-dessus l'autre, il annonce plein de décrets, il a peut-être fait un record Guinness, à savoir le nombre de décrets le plus possible en moins de temps pour un président nouvellement élu. Au Congrès, là, il a peut-être 200, franchi un c'est 3, record. 300, 250, En tout 300 cas, il en a décrets. fait une quantité astronomique. C'est difficile d'ailleurs de garder le compte, là. Ça a été tellement rapide depuis le moment de son entrée en poste en début janvier 2025. Donc, c'est étourdissant à quel point il amène des changements avec plein de décrets, là. Donc, ouais. Oui, ça va vite. Mais il l'avait dit, ça va être vite, ça va être rapide. Puis même la crise va être rapide, économique aussi. Ça va faire mal, mais pas longtemps, qu'il disait. Ben, en fait, Pas là, longtemps. oui, mais je suis pas tout à fait sûr parce On que si verra. tu amènes des changements On verra. structurels, je te donne un exemple concret. On parlait tantôt de l'automobile. Donc, si, par exemple, des autos vont être construites aux États-Unis, de construire les infrastructures de production industrielle pour faire la production de masse d'auto, tu fais pas ça en 1 ou 2 mois, là. Tu sais, ça peut prendre plusieurs mois, voire même des années. Pour construire des entreprises qui vont faire de A à Z là, des autos là, par la suite. Ben, la région de Détroit, Oui. excusez, qui avait, je pense que c'est là où il y avait le plus de construction de véhicules, non? Puis les industries Historiquement. sont encore là, ils sont rien que les équipements qui manquent. Ben, Ça ça. peut se faire plus vite que tu penses. Les infrastructures sont pas nécessairement indisponibles, c'est juste que certains équipements, les immeubles, sont, pas les immeubles, mais les bâtiments sont encore là en passant. Il y en Il n'y a a pas beaucoup. 200 ans qu'ils sont Non, partis, non, même de il y en a là. Okay, beaucoup de je pense que ça peut bâtiments qui sortir sont assez vite. encore là, sauf qu'il y en a qui sont délabrés. Il y a eu, suite au déclin de l'industrie automobile américaine à Détroit, des villes qui se sont ramassées un peu comme des bidonvilles, là, c'est-à-dire que les gens se sont vidés Exact. de là, la pauvreté a augmenté, des problèmes de gangs de rue et autres, là, des maisons en décrépitude littéralement, là. Hein? Détroit, c'est une catastrophe. Chicago aussi, en tout cas des régions comme ça. Mais je pense que ça peut se reconstruire rapidement. Mais on verra. Ça se peut. C'est vrai, c'est ce que tu dis, ça ne prend pas 2 mois là, faire ça. Ben non, mais c'est Mais on ça, là. verra. On peut avoir des surprises. C'est très dur de savoir. Moi, je pense que tout est planifié. C'est très difficile pour moi de savoir c'est quoi. Mais je pense pas qu'il fait n'importe quoi en n'ayant pas réfléchi. C'est réfléchi ce qui se passe. Mais il donne Parce l'impression que. d'être impulsif, dans le sens, je te donne un exemple concret, il annonce des tarifs pour février, finalement, ça reportait au mois de mars, puis là, C'est finalement. du trolling. C'est du trolling. Il met de la pression. Trump, il est comme ça. Il te met de la pression, pression, pression, pression. Puis là, quand tu deviens un petit peu mou, là, tu peux négocier. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un négociateur. Il met de la pression tout le temps. Oui, mais c'est qu'il y a une dimension, ben, comme tu dis, trolling, c'est-à-dire qu'il est intimide, là. Tu sais, il force un temps auprès des gens. Ben, l'autre fois, d'ailleurs, on en avait parlé ensemble parce que j'avais étudié un peu les techniques qu'il utilise, là, en lien avec le livre The Art of the Deal, où, entre autres, ben, c'est ça, il fait monter la pression, il crée des tensions, puis il attire l'attention sur lui. Puis je pense, depuis, en fait, qu'il est entré en poste, à tous les jours, il n'y a pas un bulletin de nouvelles. À ma connaissance, qu'on parle pas de lui. Ben là, je sais pas, la vedette, Elon Musk, il vole un peu la vedette ces temps-ci, là, mais je blague, parce que oui, tu as raison, il apparaît beaucoup. Mais c'est un gouvernement de transparence aussi, puis je pense que ça a un lien, ben c'est ce qu'ils disent, là. Que il fait pas des conférences pour rien, c'est qu'il explique à tous les jours ce qui se passe à son peuple. Donc, on le voit beaucoup présent. Puis, c'est de la eux autres qui préconisent la transparence des positions qu'ils prennent, puis expliquent à leur peuple pourquoi on fait ça. On fait telle affaire. Bon, ils n'expliquent pas tout. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire parce qu'il y a de la stratégie là-dedans. Mais je pense que ces apparitions sont là. Mais as-tu remarqué qu'il a changé? Il est plus du tout. Il est arrogant juste avec les idiots de service qu'on appelle les journaleux, là. Mais en dehors de ça, il est très relax quand il parle en public. Contrairement à il y a 2 ans ou 1 an où ce qui était. Il en pitchait partout. D'un coup, il se monte. En tout Oui, cas, c'est un bon comédien. mais entre autres, puis il a été animateur d'une émission The Apprentice aux États-Unis. Ça l'a sans doute formé à l'art de la communication. Mais en ligne de transparence, tu mets le point sur quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que dans la salle de presse de la Maison-Blanche, Trump, sous sa gouverne, a accepté les médias alternatifs. Exact. Chose qui n'était pas le cas avant avec Biden ou les autres. Exact. Donc, là, ça change parce qu'avant, c'était juste les médias, entre guillemets, officiels de masse avec la pensée unique qui était là. Là, tu peux avoir Exact. des gens qui sont sur le web, qui vont pouvoir aller en conférence de presse, être sur place, oui. Non, oui, il a ouvert les portes de la Maison Blanche aux journalistes, en autant que tu es journaliste puis qu'ils ont fait une enquête sur toi. C'est sûr que tu rentres pas là comme ça, là. Mais oui, il est ouvert, c'est ça, il parle de transparence. Pour le Doge aussi, il donne des nouvelles à peu près tous les jours. Musk, il en donne pas mal, là. Transparence dans le démarche. Puis il le dit dernièrement, il a dit, on fait des erreurs, on corrige nos erreurs le plus rapidement possible. Puis il en donne des exemples. Je trouve que ça, en tout cas, c'est intéressant. Moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie, un gouvernement qui parle de même, là, fait que je trouve ça intéressant. Ça fait changement de la langue de bois de nos politiciens, là. Oui. Les chiens sales politiques, ils disent rien, puis ils mentent, après ça, ils font n'importe quoi. Ils nous disent quelque chose, puis en arrière-plan, ils savent que c'est pas ça qu'ils vont faire. Fait que, tu sais, quel gouvernement qu'on a vu, de mon vécu, moi, aucun, qui a dit des choses, puis qui a rendu au pouvoir, il les a appliquées. C'est pas pour rien que les gens veulent plus voter, parce qu'ils disent ça donne rien, ils font rien que ce qu'ils veulent, anyway, ils n'écoutent pas. Mais ça fait pas 10 semaines, celle-là, ça fait au moins 75 ans que c'est de même. Minimum. Peut-être qu'on n'a jamais. Moi, ce que j'arrive à conclure, pour ça que j'appelle le jour le jour Ben, ce des jour de la choses, là. libération, là, c'est Trump qui a Ben, donné pour ce moi, là, c'est la titre-là, ce libération de terme. la parole, la libération des mensonges, la libération, c'est pas vrai qu'on vit dans une démocratie, c'est ce qu'on vous a fait croire, mais c'est pas réel. C'est pas la libération, tu sais, quand on dit qu'on va voter, on sait maintenant qu'ils trichent les élections. T'as rien qu'à regarde ce qui se passe avec Maxime Bernier au Canada, là. Ils ont rendu qu'ils présentent un choix à TV de représentants de partis politiques, mais il n'est même pas là. Le PPC n'est même pas représenté, le Parti populaire du Canada. Maxime Bernier, les dernières élections, il s'est fait voler des sièges en 2000, il y a 2 ans, 1 an, 2 ans. Il est devenu haut. Je ne sais pas si vous avez vu les élections, quand il y a eu les élections au Canada, moi j'avais checké ça. J'ai sauté de ma chaise parce que. PPC est devenu autre. Il menait pendant. Il est même plus, probablement plus populaire que le NPD, là. Ou égal. On n'en parle jamais. Ben, c'est voulu par les Qu'est-ce que vous médias. trouvez qu'on vit dans une démocratie au Canada quand on voit ça? Allô? Mais non, c'est ça, c'est une C'est le démocratie seul qui dit sélective. autre chose que les 4 autres idiots, là. Non, c'est ça. Mais il n'y a persona non grata parce que peut-être Personne ne justement, me gratte. parce qu'il pourrait apporter des changements au second niveau. Mais naturellement, mais voyons, Maxime Bernier. Ce qui arrive, c'est que il y a certains qui le voient comme étant une force de division par rapport au Parti conservateur, dans le sens que Ben ça, c'est parce que nos petits partis niaiseux, faut que tu suives la ligne de parti. Ça, là, cette décision-là, que c'est venu, je sais pas quand, là, Bertal pourrait nous dire ça. Moi, je serais libéral. Mettons que je suis libéral, mais que je suis pas d'accord avec mon chef, faut que je ferme ma gueule parce que j'ai la ligne du parti. J'en ferai pas de politique trop longtemps, puis vous suivez moi. Ça, c'est fait. Ça n'a pas de Non, sens. non, mais Il en faut fait, permettre aux gens de. de s'exprimer, ça, je suis d'accord avec toi. Ben, c'est pour Sauf ça qu'il a que quitté le Parti c'est conservateur, ça, parce entre qu'on lui disait de autres. fermer sa C'est gueule. ça, mais en fait, ce qui est arrivé dans les élections fédérales précédentes au Canada, Oui. c'est que si les gens auraient voté pour le Parti conservateur, plus au lieu que ce soit le Parti conservateur puis le Parti de Maxime Dernier, à ce moment-là, peut-être les conservateurs seraient rentrés puis ils ont divisé le pouvoir comme ça. Pour les gens qui étaient opposés au Parti Ah. libéral. Fait que c'est ça l'effet pervers un peu, c'est qu'au lieu qu'il y ait juste un parti fort et unifié, là, tu as comme deux partis qui représentent le mouvement plus conservateur, puis c'est les libéraux qui en ont profité parce que ça divisait les forces. Oui, mais aujourd'hui, on voit, OK, il y a 2, 3 ans, on voyait peut-être pas encore clair, là, mais le Parti conservateur du Canada, c'est pas les républicains des États-Unis, là. C'est comme des néolibéraux aussi. On est tellement à gauche au Canada que c'est Il n'y sûr a pas qu'on de touchera. différence énorme Non, entre non, c'est ça. libéraux puis conservateurs au Canada, à part, c'est peut-être ça qui est, en tout cas, c'est peut-être pour ça que Maxime Bernier est parti, parce qu'il se retrouvait pas dans le Parti Non, conservateur. c'est C'est pas ça, un parti conservateur, ça. mais le problème, c'est que si les gens qui sont opposés au Parti libéral votent pour Maxime Bernier et Pierre Ça va Poilievre diviser. présentement, ce qui va arriver, c'est que ça va affaiblir les votes d'une opposition par rapport au Parti libéral, puis peut-être qu'il n'y en a aucun des deux qui va rentrer, puis ça va rester le Parti libéral au pouvoir. Mais là, tu parles d'un vote stratégique, puis moi, je déteste l'idée. Oui. Moi, je vais voter pour qui je trouve qu'il y a de l'allure. Point barre, je me calisse de la stratégie. C'est ce qui devrait Les être. gens agissaient comme ça. Écoutez les dirigeants qui parlent des partis, puis si vous êtes d'accord, vous votez pour le parti. Mais laissez faire la stratégie, ça mène nulle part. Puis en passant, faut-il encore avoir le pouvoir de nos élections? Parce que là où je suis d'accord avec Alexis Cossette, qui vérifie nos élections? On vote, ça monte quelque part d'une petite boîte carrée en haut, c'est eux autres qui passent qui checkent les votes, puis qui redescendent ça dans les nouvelles, puis ça prend 3 minutes, toi. Je sais pas. Je sais pas. J'ai des petits doutes sur l'élection au Canada, moi aussi. Je pense pas qu'il y ait qu'aux États-Unis qu'on se fait fourrer, même si on n'a pas les mêmes machines. Si les gens vont pas voter, je suis sûr qu'il y a du monde qui vote à leur place. Les listes électorales, qui vérifie ça? Qui vérifie une élection au Canada? Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir de la Personne. faute. Bien, en fait, il y a Élections Canada, là, ils sont les gens qui s'occupent des Ben oui, mais bureaux de c'est qui, scrutin. Élection Canada? C'est des gens qui Oui. vérifient, qui sont engagés par qui? On ne sait pas qui les paye, on ne sait même pas c'est qui. Puis c'est pas filmé. Moi, je veux que quand je vais croire à la démocratie, le jour où on va filmer le dévoilement des votes, puis que ça soit fait intelligemment. En dehors de ça, faites-moi pas chier, je crois plus à rien. Je crois pas qu'on est là, on a des élections au Canada, je pense qu'ils mettent le candidat comme ils veulent. Parce qu'on s'en occupe pas. Ben, c'est très possible. De toute façon, comme l'avait C'est le sort déjà dit procédé. André Moreau, si voter pouvait réellement changer quelque chose, alors voter serait interdit. Dans le Ben, c'est sens ça. que Exactement. si les politiciens pouvaient amener des changements réels, inquiète-toi pas qu'ils seraient pas élus ou on les verrait pas à TV, là. Mais c'est pour ça que le pouvoir doit être pris par les gens, puis d'exiger des choses. C'est le pouvoir des gens qu'on a délaissé notre pouvoir aux autres, à ces gens-là. Puis moi, en passant, je suis d'accord avec un parti conservateur réel, c'est de diminuer le pouvoir de l'État. Il y a trop de fonctionnaires. Il y a trop de vampires, de vaches à lait. Je dis pas de pas avoir de programmes sociaux, c'est pas de ça que je parle. Mais il y a toujours bien trop de fonctionnaires, puis les hauts fonctionnaires, c'est les plus corrompus. Ça devrait sortir. Il y a trop d'intermédiaires. C'est trop gros, nos gouvernements. L'argent monte de plus en plus vers l'eau. Puis ils continuent d'engager. Combien ils ont engagé de fonctionnaires dans les 2 dernières années au Canada? Je sais pas le chiffre, mais c'est énorme. Ouais, ben Pourquoi vous aussi. pensez qu'ils engagent des fonctionnaires? Ça fait des esclaves qui têtent le gouvernement. Mais c'est notre argent à nous, ça, qui Ouais. s'en va où? Partout, moi, je sais pas trop. Non, Ben, non, non. la Moi, je suis machine a perdu le conservatrice à ce compte-là. contrôle. Ouais, non, je comprends un peu, là. Ben, c'est sûr que je suis de l'avis qu'il devrait avoir un ménage un peu comme le Dodge que propose Elon, en fait, que dirige Elon Musk présentement aux États-Unis. Ben, ça devrait, c'est sûr. Tu sais, David, regarde notre système de santé, là. On va le prendre d'un exemple basique. On est 9 millions au Québec. On a un système de santé qui coûte 52 milliards par année, puis il y a 52 semaines dans l'année. C'est facile à comprendre, ça, là. 1 milliard par semaine. Tu es en train de me dire qu'on a 1 milliard par semaine pour avoir un service de marde comme on a depuis 30 ans? Ça prend 4 ans pour une chirurgie d'hanche, puis 18, 2 ans pour avoir une analyse d'un cancer. What the fuck? Réveillez-vous, hostie. Fait que oui, des doges, j'en veux, moi. Puis je veux savoir ce que mon argent va, parce que moi, j'ai décidé de plus payer d'impôts. Pas ça, je me retire. Hein? J'en ai... Pas parce que je travaille pas. J'arrête volontairement de travailler. Je veux plus rien savoir de payer. J'en ai ras-le-bol d'envoyer de l'argent à du monde qui... De nourrir du monde qui se crisse de ce que l'argent va, parce que les Canadiens, puis on va parler du Québec. Oh, il faut pas de politique, moi, ils font trop pourri. Ben oui. Pendant ce temps-là, tu te fais enculer avec pas de vaseline. Je suis plus capable du monde qui pense de même. Je suis plus capable de payer de l'argent pour un système où je veux bien supporter des gens qui en ont besoin, comme le bien-être. Ben, ça s'appelle plus de même, le bien-être social, là, mais L'assistance sociale, oui. l'assistance sociale à des gens qui sont. Oui, je suis d'accord avec ça. Avoir un régime de santé accessible, je suis d'accord avec tout ça. Mais pas de la façon dont ça se passe présentement, je suis désolée. Il y a trop bien des maudites limites à se faire chier, puis à se faire enculer, puis à payer de l'impôt, puis à avoir aucun service, puis regardez pas, vous avez rien vu dans les rues de la ville. Le transport, ministère de du Transport du Québec, toi. D'autres trous de cul. Qu'est-ce qu'ils mettent sur nos routes, tu sais? Il n'y a rien qu'au Québec qu'on voit des routes de marde de même. Sortez d'ici, tout est beau. Bon, à Montréal, Exactement. c'est rendu que la ville est un trou. Si vous allez en Un Ontario, trou. les routes sont belles. Aux États-Unis aussi, dans le nord des États-Unis. Mais non, mon ami, c'est à cause de la température au Québec qu'on a des mauvaises routes, on a des hivers violents, puis c'est à cause des changements climatiques. Ben oui, mais l'Ontario est à côté, gang d'idiots, c'est pareil. Ils ont des belles routes, puis ils ont le même crise de climat que nous autres. Et le New Jersey aussi. Ah, oh. Non, je te dis, on n'entend rien que des conneries. Non, exactement. Mais en fait, moi, je suis rendu à un stade Je vais où, te calmer. oui, c'est ça, où je m'intéresse entre autres à l'investissement parce que je suis Pour de ça. l'avis que l'individu doit compter sur lui-même à Exact. travers notamment l'investissement pour éventuellement avoir les ressources de se payer des soins décents au privé plutôt que d'attendre après le public. Moi-même, j'ai été malade, j'ai fait affaire avec le privé, j'ai eu un service de qualité. Alors qu'au public, naturellement, ça fait au-dessus d'un an et demi, je n'ai pas été rappelé après que mon médecin de famille ait fait une référence pour que j'aie accès à un service d'urologie. Donc, en fait, le réseau public laisse à désirer. Et ce que je dis aux gens de mon entourage, c'est que lorsque la population, vers 2030, va être composée d'une personne sur trois âgée de 65 ans et plus au Québec, donc la population va être plus vieillissante. Ça va être encore pire si la tendance se maintient, le réseau de la Mais on n'aura santé. jamais moyen de tenir ça. Ça ne tiendra pas. Ça va s'effondrer. Ben, c'est pour, Oubliez puis, ça. même chose pour les retraites. Dans le Ah, ben fond, oui. les Oubliez ça. programmes gouvernementaux avec la régie des rentes, la pension de vieillesse du Canada, c'est pour ça que si vous pouvez réaliser l'importance des leviers qu'on peut avoir, comme par exemple, il y a le CELI, le compte libre d'impôts. Bon, ben, quelqu'un qui met de l'argent là-dedans ici au Canada, c'est un paradis fiscal légal. Donc, à ce moment-là, ben, la personne peut économiser de l'argent, puis éventuellement, plus tard, ben, elle peut se payer une vie décente à l'âge de la retraite ou des soins de santé. Mais dans ton analyse, il y a un petit facteur qu'on ne tient pas compte. Je suis Oui. d'accord pour ce qui est de l'épargne, puis d'essayer de faire, d'utiliser les leviers économiques qu'on a. Ça, c'est, j'ai pas... Mais aujourd'hui, là, si on parle aujourd'hui des jeunes entre 25 et 50 ans, là, qui travaillent, avec le coût de la vie, puis sans parler du coût des maisons, puis du coût de tout, comment tu veux qu'ils C'est économisent très vraiment? difficile, en fait, c'est ça. Ça devient très Ça devient difficile. impossible. C'est ça quand je dis qu'on devient de plus en plus étranglé par les fonds, l'argent tiré vers le haut tout le temps. Tu sais, on gagne, c'est 25 000 $ de moins de la classe moyenne au Canada qu'on gagne par rapport aux Américains. C'est 20 ou 25 000 là, de moins. Puis nos maisons coûtent entre 20 et 40 % plus cher aux États-Unis. Hein? C'est qui est dans la merde? C'est-tu nous autres ou les Américains, là? C'est nous. Ton enfant va-tu être capable d'acheter une maison? C'est ça qu'il veut. Plus de maison, plus de char, plus rien, puis vivre dans vos petits trous. Puis après ça, le trou, quand tu vas être mort, on va le donner à quelqu'un d'autre. T'sais. À un moment donné, ça n'a aucun sens comme vie, ça. C'est une vie de merde. Pour moi, ça ne se passera pas. Parce que je pense que l'apocalypse est finie. Ça se finit. Puis qu'il va y avoir d'autres choses qui vont apparaître, David. Mais non pas. Mais l'économie est difficile présentement. J'en ai, moi, deux jeunes garçons, 25-27 ans. Même s'ils font 80 000 $ à 85 000 par année, je peux-tu te dire qu'avec l'impôt qu'ils payent, c'est ça, j'ai dit, regardez vos rapports, regarde l'impôt passé, puis après ça, tu payes des taxes. Puis à bout de ligne, il te reste quoi? Rien que de quoi pour te loger. Quand une Non, maison c'est coûte sûr. 400 000 en moyenne, 350-400 000 piastres. Je ne parle pas de Montréal, là, je parle de la région de Montréal, en dehors de Montréal, là. Ça n'a aucun Non, sens. non, exactement. Ah ben, Saint-Clinclin des Rangs, avec un trou à 250 000, on se calme les nerfs. Ça va planter, ça ne tient pas la route, ça ne tient même pas 2 ans, pour moi. En tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va arriver, parce que c'est sûr que si on tombe Ben, ça. en récession suite à l'entrée des mesures tarifaires qui vont faire en sorte que probablement que les Américains vont moins acheter des produits canadiens, il va peut-être avoir des coupures d'emploi dans les entreprises et éventuellement des Beaucoup. gens qui ont perdu leur travail ne seront plus en mesure de payer justement pour leur maison qui coûte une fortune en termes d'hypothèque. Donc, des gens qui étaient aisés, prenons par exemple des gens qui travaillent dans le domaine de l'automobile, on s'entend qu'habituellement, ils vont gagner des gros salaires, surtout si c'est des ingénieurs ou, tu sais, des techniciens au niveau production industrielle. Donc, ces salariés-là, s'ils perdent leur travail, bon, ils vont avoir le chômage pendant une période de temps, mais après ça, ils seront peut-être plus capables pour payer leur maison qui coûte une fortune. Puis là, ils vont avoir une espèce d'effet domino qui va... disons, amener à la baisse le marché immobilier, puis qui va changer la donne. Ben, juste cette année, là, moi, je pense qu'on va voir en 2025, on va attendre l'année complète, là, mais d'après moi, on va avoir une petite surprise sur les faillites personnelles puis les reprises de maison parce que les gens qui se sont lancés pour acheter en 2020, là, à 1,5 % d'intérêt, 2, gros max, là, ils sont à combien présentement? 4,5. Rien que le double de ce que tu as closé il y a 5 ans, là. Ben, le double, ça veut dire que ça double ton prix d'hypothèque aussi, ça. Fait que si tu payais 1 500 $ d'intérêt sur une maison à 400 000, puis là, tu tombes à 3 000, ouh! Sans compter de l'augmentation du coût de la vie qu'on a parlé tantôt, Exact. je pense qu'on va frapper un mur même en 2025 sur les maisons, entre Quoique, ce autres, qui va parce que. peut-être atténuer ça, c'est la baisse par rapport à la Banque du Canada du taux directeur. Dans le Il est-tu sens. passé? Il est à combien le taux directeur présentement? Les taux hypothécaires sont à combien? 4 % sur 5 ans? Je Ça veut l'ai. dire que le taux directeur est 3, quoi, à 3 %? En tout cas, il faudrait vérifier. Là. Je me rappelle pas par cœur là, dans l'immédiat, mais je sais que ça l'a baissé, puis probablement que ça va baisser en réaction aux mesures de Trump qui risquent d'amener l'économie en récession. Fait que moi, j'ai l'impression que ça peut stimuler pendant un bout de temps, dans le fond, le domaine immobilier, là. On va voir. Je regarde le taux hypothécaire présentement, 5,54 taux fixe sur 5 ans. Si on regarde ça sur 5 ans. Tu vois, 1 an 5,4, 2 ans 4,79, 3 ans 4,29, puis 4 ans 4,34. Offre spéciale, ce qu'ils disent. C'est peut-être d'après moi, ça varie entre 4,3, 4 ans, puis 4 points. Bon, c'est pas 4,3. Mais ça veut dire que c'est. Il y a 5 ans, c'était 1,5. Non, non, exact. C'est sûr que c'est beaucoup plus élevé. Ça, c'est clair, là, avec ce que tu disais dans le sens du Bien, c'est parce montant. que quand tu closes 5 ans, là, si les gens n'ont pas closé 5 ans, il y a en 2020, ils auront peut-être moins de problèmes. Mais Non, c'est ceux qui ont ça, mais. closé 5 ans et qui veulent renouveler cette année, en 2025, ça veut dire que c'est la moitié des hypothèques du Québec, ça. En 2025, qui se renouvelle, là. Ça va faire mal au budget, même s'il baissait le taux d'1 %, ça risque que c'est quand même 1 500 $ de plus par mois sur 400 000. Tu aurais une maison, là, tu payes 1 500 par mois présentement, tu as un bon salaire, ta femme travaille, tout ça. Tu te retrouves avec 1 500 $ de plus à payer, ça fait mal. Non, non, ça c'est clair, surtout s'il y en a un des deux qui perd son travail en lien que les tarifs. Mais tu sais, dans les années, tu sais, je regarde ça, là, comment ils nous ont étranglés depuis 1960. Mettons, là, dans le temps, c'était les hommes qui travaillaient, Oui. là. Mais mettons, un salaire convenait pour une famille, une femme, deux enfants, deux, trois enfants, puis là, tu avais ta maison, puis tu avais ton char. Un salaire. Là, deux salaires, 30 ans plus tard, deux salaires pour avoir la même chose. Il fallait que madame travaille, puis le monsieur travaille pour avoir à peu près la même chose. Mais présentement, même si tu as deux salaires à 80 000, même, tu n'arrives même pas. Fait que, C'est ça, être étranglé par le. C'est depuis les années 60 qu'on se fait serrer une main, là, puis étrangler. Puis on remonte le pouvoir vers le haut, puis l'argent vers le haut. Non, c'est ça. Puis depuis les années 60, ben, c'est sûr, les taxes, les impôts, toutes les ponctions fiscales se sont multipliées. C'est comme le Exact. Québec présentement, on a toujours la taxe carbone de 20 sous sur le litre d'essence, alors que Les depuis, seuls au Canada, c'est ça, d'ailleurs, en depuis le passant. 1er avril, ça a été retiré, donc la taxe carbone dans les différentes provinces du Canada, naturellement à l'exception du Québec. Puis on a déjà des taxes sur les taxes par rapport à l'essence depuis des années. Donc, Terrible. non, non, c'est ça. On est une des populations les plus taxées en Puis ils Amérique. disent rien. Ben, il y a un Moi, peu ce qui des gens m'impressionne, c'est qui le t'ont. côté passif des Ouais. Québécois. J'en reviens pas. Ils attendent quoi de crever de faim? Ça s'en vient. En fait, c'est peut-être lié à notre fond catholique, dans le sens que dans la religion catholique, issue du christianisme, ce qui était valorisé, c'était les pauvres. Heureux les pauvres, ils auront accès au royaume de Dieu avant les riches parce que c'était mal vu d'avoir de l'argent, de vouloir s'enrichir, fallait faire vœu de pauvreté, de sacrifice, un peu comme à l'image de Jésus. T'as été éduqué de même, toi? Moi, non. Ben, en fait, c'est plus avant les baby boomers qu'il y a eu ce conditionnement-là. Parce que moi, je fais pas. Ma mère, mes parents étaient des boomers. Moi, je considère que je suis pas boomer. Parce que les boomers, je trouve qu'on met tout le monde boomer à 60 ans, là. Mais c'est pas Mais les gens réel, parce d'avant que la moi. Révolution tranquille, qui allaient pratiquer la religion dans le sens aller à messe tous les dimanches. Puis Ben c'est ça, mes parents étaient de cette génération. Donc, mon père, s'il était vivant, il aurait 86 ans, 85 ans. C'est cette génération-là qui est en train de mourir, d'ailleurs. Mais effectivement, mais moi, j'ai été éduquée dans un milieu catholique, mais pas ostracisée. J'ai pas été obligée à aller à la messe non plus. Moi, quand j'ai dit, ça finit, il n'y a personne qui n'a pas fait de crise dans la maison. Là. La personne qui a sorti son chapelet et dire ma pauvre enfant t'es perdue, c'est pas. J'ai pas été éduquée que la pauvreté était. Mes parents m'encourageaient aux études, au contraire. Ma mère me disait il faut que tu sois autonome dans la vie, assez de ta mère qui était perdue toute sa vie. Ma mère, elle aimait pas ça. Donc, j'étais poussée à faire. C'est l'argent, je viens d'un milieu confortable aussi, l'argent, on en parlait. Mon grand-père vendait des assurances, de l'assurance vie, fait qu'il me parlait de ça très jeune. Ça n'a jamais été tabou chez nous, l'argent. C'est pour ça que je te demande, as-tu été éduqué dans le tabou de l'argent? Il y a sûrement du monde au Ben, Québec, mais moi, pas moi, non. nécessairement directement, personnellement, mais le point, c'est que c'est au niveau de l'inconscient collectif québécois, au niveau Oui, je culturel. comprends. Souvent aussi, sans que les gens en soient trop conscients, c'est que quelqu'un qui est riche, c'est mal vu. Donc, on va dire que c'est un crosseur, c'est Oui. quelqu'un qui va frauder, qui va exploiter les autres. Tandis qu'aux États-Unis, si quelqu'un est riche, ça peut représenter un modèle en disant, ben regarde, lui il a parvenu à la richesse, ben moi aussi je peux m'enrichir, tu comprends? Ouais, ben, les problèmes sont. Oui, c'est très différent. Je suis d'accord que c'est ce que j'appelais des fois le traumatisme néo-chrétien, là, et non néo. Oh, pardon, je vais choquer les chrétiens de la planète. Les néo-chrétiens, je les appelais des néo-chrétiens. C'est pas fin, mon nom n'était pas fine. Mais parce que je trouve ça crétin de penser de même. C'est comme. C'est pas vrai que l'argent nous corrompt. Ce qui est corrompu, c'est pas l'argent qui nous corrompt, c'est notre attitude qui est corrompue. C'est pas pareil. Non, exactement. Mais c'est sûr que derrière ça, c'est qu'il y avait aussi le fait que les gens protestants avaient au Québec des entreprises. Il y en a qui étaient riches, c'était des anglophones, alors que les francophones étaient catholiques. Donc, si on le prend au niveau de l'histoire, ben c'est sûr qu'il y avait une dimension où ce que les catholiques voulaient dissocier des protestants, en disant, bon, eux autres sont riches, ils possèdent, mais c'est des mauvaises personnes. Nous autres, on est pauvres, mais on est des bonnes personnes, on n'exploite pas les autres dans des entreprises, etc. Ben, chez les protestants, je crois qu'ils achetaient le ciel en faisant de l'argent. Il y avait une croyance que plus tu as de l'argent, mieux c'est, parce que ça te positionne au ciel. Ou c'était la volonté de Dieu, si t'es riche, de l'être. Aussi. C'était pas mal vu. Le rapport à l'argent entre le catholique Il et le pas. protestant est vraiment très différent. C'est vrai. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'il y a eu de l'abus de protestants ou peu importe les religions, mais il y avait des gens qui étaient cadres d'entreprise au Québec, puis exploitaient les Canadiens français en les traitant de cheap labor, donc main-d'œuvre à bon Oh. marché. employés jetables. Puis à ce moment-là, ben, il y a des gens qui méprisaient les riches en disant, regardez, ces gens riches, propriétaires, nous exploitent, sont mauvais, etc. Fait que là, il y avait le rapport d'opposition. Effectivement. Non, oui, tu me rappelles des bons souvenirs parce que je viens d'un petit coin, un petit bled au lac Saint-Jean qui s'appelle Dolbeau pour les Français, je m'excuse là, puis pour les Européens. Mais c'est un petit bled, mais il y avait un quartier qu'on appelait le quartier des Anglais. Et ce n'était que des Anglais qui vivaient là puis qui étaient riches. C'était le quartier le plus riche du petit coin d'où je viens, qui dirigeait les entreprises en général, qui avaient des postes de cadre supérieur et compagnie. Effectivement. Ça a été de même. Je suis née en 61, puis j'ai été témoin de ça. Dans les années 75-80, j'étais encore là. Hein. Mais j'ai l'impression que la C'était mentalité populaire est encore marquée par ça. Puis si, probable. en tant que Québécois, si on regarde quelqu'un qui a réussi en affaires, dans le sens, si on pense à Donald Trump, qui est devenu multimilliardaire, en lien avec le domaine de l'immobilier, la Trump Tower et autres, Construction. Construction. ou dans le domaine de la construction, exact, bon, ben quelqu'un qui va mépriser l'argent va dire, ben ah, il doit être un crosseur, il est devenu riche, il doit exploiter les autres. Tandis qu'un Américain qui veut réussir en affaires va dire, ben ah, c'est une figure d'inspiration. Je pourrais, dans le fond, m'enrichir en m'inspirant de ses stratégies dans The Art of the Deal. Exact. Tu sais, c'est pas la même mentalité. Puis dans le domaine de l'investissement, je le vois aussi, hein. Dans le Le sens vois, hein? que, oh, ben oui, hey, c'est flagrant. Aux États-Unis, les produits financiers que tu as aux États-Unis, moi j'étudie beaucoup les fonds négociés en bourse, t'en as plein. Au Canada, t'en as pas autant. Puis je cherchais des vidéos. S'il y en a en passant qui ont des vidéos par rapport au produit Yield Max qui donne des revenus de dividendes par mois élevés en Comment il français, s'appelle? Yield Max. Yeah, thanks. Ah, Okay. c'est des produits incroyables. Si tu prends MSTY, c'est un produit dans le fond. En fait, c'est un fonds négocié à la bourse avec option d'achat. Puis l'année passée, il a donné environ 110 % de rendement. Ouais. Ça veut dire que si quelqu'un en prend pour. Il y avait une vidéo qui donnait comme exemple quelqu'un qui en aurait pris en 2024 pour 100 000 $, à la fin de l'année, il y aurait plus de 200 000 $, puis ça lui donnerait un revenu moyen de 10 000 $ par mois Par en mois. dollars US. Ouh. Puis en milieu anglophone, on parle beaucoup de ça. MSTY, en fait, c'est un fonds négocié en bourse qui va être en relation avec l'action de MicroStrategy. Qui est une entreprise qui achète du Bitcoin. Puis, dans l'année passée, naturellement, 2024, c'était l'année du halving, elle a connu une hausse importante. Fait que là, moi, j'étudie ça, parce que c'est une façon intéressante de faire de l'argent, si c'est vrai. C'est sûr que je regarde si les chiffres se tiennent. C'est sûr que, bon, l'action s'est dévaluée, mais c'est quand même impressionnant. Mais en français, je cherche des vidéos par Ça. rapport à ça, puis je n'en trouve pas du tout. Puis il y en a Oui, plein c'est dans le ça. milieu anglophone. Ben, ça donne encore plus raison à moi-même quand je dis qu'on n'a pas les moyens de faire la guerre aux Américains. Parce que juste ce petit exemple de micro d'économie de base, imagine, on n'a même pas les leviers pour faire du cash. T'sais. Parce que comme ce que tu dis, on n'a même pas les moyens, qu'on se donne même pas les moyens pour aller chercher le maximum de. Ben, on n'a pas Avec notre argent. l'information autant, on n'a pas autant de produits. Tu sais, c'est très différent. Moi, c'est ce que j'observe, là. C'est clair que les Américains sont des gros consommateurs, je l'ai dit tantôt, hein. C'est un marché de consommation. Les Américains ils veulent du cash. Ils veulent consommer, ils veulent acheter, ils aiment Ah ça. oui, ah oui, eux autres, ils veulent Ils n'ont être même pas riches. d'argent, ils s'endettent pour acheter, même s'ils n'en ont pas besoin. C'est une Oui. mentalité comme ça. Ben, il y a des écologistes qui vont dire que ça prendrait de 4 à 5 planète terrestre en termes de ressources pour que chaque personne sur Terre ait le même mode de vie de consommation que l'Américain moyen. L'Américain moyen. Mais je pense aussi que ça va changer aussi. Hey David, je serais portée à aller vers une conclusion parce que je suis fatiguée aujourd'hui. Je me rends compte que je suis comme un petit peu. J'aimerais ça m'arrêter. Je Oui, bien m'excuse de sûr. bloquer sec un peu, là, mais. Non, non, il n'y a aucun problème. Écoute, faut prendre en considération ton détour. Donc, c'est sûr qu'on peut conclure l'enregistrement dans les prochaines minutes. En fait, je voulais t'amener, parce qu'on a beaucoup parlé de ce fameux jour de la libération, puis bon, comme ça fait plusieurs années qu'on commente la politique internationale, je pense que c'est intéressant de parler de ce sujet-là. Sinon, en fait, toi, pour les prochains mois, sur le plan, parce que beaucoup, ça va jouer sur le plan économique. Toi, est-ce que tu entrevois une croissance fulgurante pour les États-Unis, comme veut l'annoncer Donald Trump avec l'arrivée du Golden Age, donc l'âge Bon, je doré pense des que le Golden Américains? Age va tarder un peu. Quand tu dis ça, je ne pense pas que c'est la semaine prochaine. Je ne vois pas ça bien ben avant novembre 2026. Pourquoi novembre 2026? Je ne sais pas pourquoi je dis Ben ça. oui, moi je sais pourquoi, parce qu'on va être rendu aux élections de mi-mandat, parce qu'après 2 ans en poste, il y a des élections de Ah oui. mi-mandat. Les partiels, Oui, oui. exactement. C'est sûr que Trump, s'il veut Oui. être réélu, naturellement, ben, il a intérêt à présenter un beau bilan économique. Et comme les électeurs moyens se rappellent qu'est-ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, donc si en 2026, suite aux modifications systémiques qu'il apporte aux États-Unis présentement, il y a une croissance économique qui se produit, ben, ça va être tout à son honneur, puis ça va bien paraître son bilan, bien qu'à la base, ça crée de la volatilité puis de l'instabilité. Mais là-bas, attends, parce que je vois, je ne vois pas de même. Ce qu'on voit présent, si on parle d'aujourd'hui, je Oui. pense qu'on va vivre une crise importante pour, je dirais, 8 mois à peu près, 1 an. Puis après, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas quoi, mais les taux, là, toutes ces affaires de frontaliers, ces taux, tout ça, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va être modifié là-dedans. Ça ne peut pas tenir la route des années. Ça va nuire à trop de monde, incluant les Américains. Je pense que c'est une stratégie temporaire, là, ces taux Mais là, il va d'imposition revenir en arrière, il va frontaliers. les défaire. Mais ils s'en foutent. Puis pourquoi pas? Il y en a déjà eu des taux frontaliers dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont enlevé, même, je ne sais pas quelle période, là, aux États-Unis. Il y en a eu. Ça a servi un temps. Puis à un moment donné, ça s'est mis à desservir. Fait qu'ils les ont arrêtés. Je pense qu'il va se produire un peu la même chose. Il va y avoir des. Moi, je ne veux pas prévoir les gestes que Trump va poser ou dire ce qu'il va faire, je ne le sais pas. Mais ce que je vois, là, je suis allée dans le deuxième étage, là, Oui. je sais qu'on sort de ça. Je sais que ça va prendre à peu près 1 an et demi, 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer, comment on s'en sort, je ne le sais pas. On va le voir se déployer. Mais je vois le Canada sortir de cette crise économique-là, que ce soit comme 51e État je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est plutôt des années après ça on sort d'une. On va commencer à comprendre qu'on peut vivre tout le monde sur la Terre en paix et avoir de l'argent. Bien, ça serait intéressant que ça Pas soit. la semaine prochaine, ça va se faire progressivement, mais je pense Ouais. il y a quelque chose qui. C'est pas que les Américains qui changent, là. Il y a la planète qui change de vibration. Tu sais, on n'a pas parlé beaucoup d'occulte aujourd'hui, Ouais. mais il y a la planète qui change de vibration. Les gens, je le sens, il y a quelque chose qui se passe. Je vois beaucoup de gens partir aussi. On parlait de mort, là. Je le vois dans mon studio. Les gens tombent malades. J'en ai des affaires. Il y a du monde qui meurt, puis il y en a d'autres qui vont très bien. Tu sais, tu vois qu'il y a un nettoyage qui se fait, là. Mondialement, je pense que c'est le Ben, quoi même qu'il y ait tout le temps eu phénomène. des décès, là, t'sais, je veux dire, peu importe l'année, il y a toujours du monde qui meurt, il y en a qui naissent. Oui, mais il y en a beaucoup plus. T'as pas suivi statistiques de Ben décès oui, ben, de OK. toutes causes confondues, il y en a un petit peu plus Oui, qu'avant. c'est sûr qu'il y a des statistiques de surmortalité là, qui sont présentes, là, notamment C'est que pas vous une pouvez. hécatombe, mais c'est quand même une couple de cents par mois Ouais, de plus au Québec. c'est ça, exactement. Ben, il y aurait Info-Québec. Si vous allez sur cette chaîne Réinfo YouTube, Québec, exact. donc qu'on présente des données, notamment là, par rapport au surplus de mortalité à la fois au Québec et aussi dans le monde en général, En France, il en parle aussi beaucoup. oui, depuis, Réinfo Québec parle de la France beaucoup entre aussi. autres, ben, c'est sûr, c'est un média francophone de diffusion, mais entre autres, c'est depuis la période dite de pandémie, mais on n'a pas le droit de dire la cause. Fait que je ne peux pas aller plus loin que ça pour l'instant. Non, mais toutes causes confondues, si on n'est pas idiot et qu'on regarde des graphiques avec un peu d'intelligence, on voit que ça a commencé en 2021. C'est ça. Mais là, il faut dire ça avec une bonne dose de Suite à quoi? lucidité. On Mais on n'a ne pas sait le droit de le pas. dire. C'est-à-dire, si tu écoutes les vidéos, ils sous-entendent, mais ils ne peuvent pas le dire parce que sans ça, ils risquent, je pense, encore d'être censurés. Mais bref, je ne le dirai pas On ne le ici dira parce pas, là, parce qu'on va être censuré, mais c'est tout le monde a ça. compris. C'est ça. Si vous lisez moindrement 2021, entre c'est les l'année où lignes. il y avait eu beaucoup d'affaires. Hein? Exactement. L'apparition tout d'un coup d'un miracle vaccinal. Entre autres. Mais je pense aussi que si on le regarde au deuxième étage, ce qu'on voit disparaître, c'est la cinquième race racine qui s'élimine de plus en plus. C'est la planète. parce qu'on tire, ça tire trop, on ne peut pas tirer ce monde-là dans un nouveau monde. Moi, je pense, je l'ai toujours dit, ça fait 4 ans que je vous le dis, pour moi, si on parle d'apocalypse, on parle aussi d'apothéose. C'est la fin de l'apocalypse qu'on voit, la fin de la comète, la fin du cycle. Et puis, on commence à rentrer dans un cycle qui lève. Puis, je pense que nos enfants vont avoir la chance de voir ça pas mal mieux que nous autres dans 20 ans. Moi, je parle pour les jeunes parce que moi, ma vie est faite. Mais je vois mes jeunes, puis je me dis, OK, il y a de l'avenir pour eux, puis j'en suis très contente. Pour moi, je vois de l'avenir pour eux beaucoup mieux que même la nôtre, ma vie même passée, là. Je dis pas que Parce j'ai que une vie difficile, non, là. non, Je c'est veux pas sûr, mais parce nier que ça. présentement, la situation, on en a beaucoup parlé par rapport à la dimension économique. Tu sais, c'est sûr que c'est pas rose, là, dans le sens que le coût de l'habitation qui a augmenté, l'endettement des ménages au Canada, le fait qu'on est étouffé par toutes les taxes, les impôts qui se sont cumulés puis multipliés au fil des ans. Donc, Puis qu'on présentement. laisse ça à nos enfants. Hein. Faut pas oublier que ce qu'on en a comme dette, on laisse ça à nos enfants. Moi, shame on me, si je m'excuse. Les parents qui réfléchissent pas, là, vous avez beau penser que ça vous touche pas, mais c'est le legs à vos enfants, là, c'est qu'ils vont devoir 100 000 $ avant même de respirer. Voyons donc, c'est quoi cette niaiserie-là? C'est hypothéquer la vie des enfants. Puis j'avais trouvé intéressant quand Alexis Cossette-Trudel expliquait que l'agenda par rapport au Canada de faire en sorte que d'ici 2100, il y ait 100 millions de Canadiens en faisant entre autres appel à l'immigration massive, c'est que plus qu'il y a de gens ici, plus que ça justifie la pertinence du Canada d'endetter le pays en disant bien, ils vont plus de monde pour payer les dettes. C'est ça vraiment qui est derrière ça, là. On fait venir du monde, puis on va dire, ben, c'est eux autres par la suite vont payer nos dettes à notre place. Ouais, mais il y a une statistique que moi j'ai vue, que le monde ne parle jamais, c'est que l'immigration, qu'elle soit massive ou pas, à travers le Canada, quand ils viennent au Québec, ils restent pas. Ils s'en vont vers le nord ou vers le sud, mais pas au Québec. Mais à ce moment-là, pourquoi qu'on a des problèmes présentement d'accès à l'habitation, dans le sens Parce qu'il y que a eu une immigration massive dans les derniers 5 ans, voilà. mais il ne reste pas au Québec longtemps. Combien de temps, je ne sais pas. Mais il ne reste pas. C'est 80 % des gens qui immigrent au Québec en dedans de 10 ans, ils ont quitté. Ils ne restent pas ici, en général. Parce que c'est trop froid, parce que c'est trop ci, parce que on gagne, ben, parce qu'on est la province la plus, Une des plus excusez-moi, taxées. mais la plus mafioso du Canada. Puis ils s'en rendent compte, ils n'ont pas des idiots, mais c'est surtout le froid. Fait froid, puis les gens s'adaptent mal à ça, puis on n'a pas de revenus, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas riche. On nous dit qu'on est un peuple heureux et riche. On est une des provinces les plus pauvres au Canada, si, en dehors de la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, tu sais. C'est pas parce qu'on n'a pas de richesse, c'est parce qu'on est noyauté par des mafiosos. La mafia médicale, disait dans le temps Mme Lanto, aujourd'hui, c'est une mafia économique. Mais ça, le Québec est noyauté depuis très longtemps. Alors, il ne reste pas les immigrants. C'est bien beau la théorie, on va être que 100 millions, on verra. Mais je ne pense pas que l'immigration massive va continuer non plus, David, parce que ça s'est prouvé, c'est trop rapide. Ça, l'immigration massive, là, c'est l'explication économique qu'ils nous donnent. Premièrement, c'est pour combler des problèmes De pénurie de d'emploi, on manquait main-d'œuvre. d'employés, de pénurie de main-d'œuvre. Oui. Mais ça fait 30 ans comme le système de santé qui sont supposés combler ça, puis ils nous logent pas, c'est toujours la même. Fait qu'en fait, il n'y a aucune volonté. C'est pas réel de dire qu'il y a un problème tant que ça d'employés. Il y en a eu, il y en a un peu, mais je pense pas que ce soit majeurement le problème. C'est que ça fait leur affaire de envoyer plein d'immigration dans un coin comme le Québec, entre autres, intéressant. On aura plus de Québécois dans 100 ans. Moi, je dis même pas 25 ans. Si ça n'arrête pas une immigration massive, oubliez ça, le Québec, ça Non, n'existe mais plus, là, le mot ça a québécois. diminué dans les derniers mois, là, dans le sens qu'on diminue la quantité parce qu'il y avait des Ah problèmes criants d'accès au logement, l'habitation, puis l'explosion des prix, puis les problèmes d'itinérance aussi, là, à un moment oh, donné. parce que tu penses que c'est ça la réalité, toi, là, qui les intéresse vraiment. David, t'es naïf, là. Ils ont commencé à changer d'attitude quand est-ce? C'est quand Trump a pogné le téléphone et a dit Trudeau, t'as maintenant que t'as fermé ta colisse de frontière ou c'est moi qui te ferme la gueule? C'est ça qui a dû se passer. Ah, oh, ben là, on va penser qu'on va mettre moins d'immigrants parce qu'on en a trop, parce qu'il y a trop de ci, puis il y a une crise de ci, puis une crise de ça. Mais je pense que c'est parce qu'il était averti. Sinon, je pense qu'il sortait pas à prendre ses vacances à Montréal, lui, Chris. Parce qu'il est rendu à Montréal, le petit calice. Oui, ben c'est même filmé là, aux Moi, Canadian Tire. j'espère que je le croise. Ne faites pas la vie, mais que je le croise, que j'y saute d'en face, c'est clair. Pas y sauter physique, pas d'en face. Mais assis comme un char de marde de ma personne. La petite madame, moi, il faut lui dire ce qu'elle pense en crise de lui, puis il va courir pour pas m'entendre. Mais il vit à Montréal, c'est ça que j'ai appris. Mais ce que Ben je veux dire, oui. c'est que c'est drôle que c'est apparu après un appel de qui? Trump. En passant, là, quand il dit We've got them all, là, il faudrait comprendre ce que ça veut dire. Hein? On en reparlera. Oui, Mais dossier je à pense à la suivre. liste d'Epstein. Tu sais, les gens. Oui, qu'en Je ne sais fait, pas si tu as vu. ben là, Tu sais, j'ai il y pas a. suivi le dossier dans les derniers jours, là. Il y a des noms qui ont sorti par rapport à la liste de ses visiteurs de son île de Ben, attends un petit pédophiles. peu, je vais Oui. partir l'histoire un peu avant. OK. Attends un petit peu, retiens ça, là. Il y a à peu près un mois, 2 mois, Mme Bundy a reçu une liste, supposément du FBI, avec, il y a un mois peut-être ou deux, là, avec la liste d'Epstein. Elle reçoit ça, puis elle sort en conférence de presse pour dire on va attendre un peu parce qu'il semblerait qu'il nous manque des choses sur la liste. Tout n'est pas là, ça venait du bureau de New York qui n'avait pas envoyé ses documents. Juste ça, y a-t-il quelqu'un qui s'est posé la question? Comment se fait-il qu'elle puisse dire qu'il manque des choses sur la liste qu'on lui a envoyée si elle n'a pas un comparable d'une autre liste? Juste ce raisonnement. Moi, quand elle a sorti ça, je suis partie à rire. J'ai dit, comment elle peut dire ça? Ça veut dire qu'elle a une autre liste sur laquelle elle a un comparable pour dire qu'il nous manque des affaires. Trump, quand il disait We've got them all, c'est ça que ça veut dire. Nous avons toute l'information. Il a dit ça il y a 3 ans, en passant, 4 ans. Il avait toutes les preuves. Et là, ça sort tranquillement. Puis Mme Bundy débarque en disant, ben là, il nous manque d'informations. Ben, ça vient du bureau de New York, là, celui qui poursuit Trump, d'ailleurs. Eh bien, ça, c'était. Tu vois-tu comment ça fonctionne un peu, comment je vois ça? C'est ça. Là, tu dis quoi par rapport à ce que tu allais dire? Là, elle vient de faire des. Je n'ai pas le suivi Non, depuis. Je te le dis, j'ai coupé à peu près depuis 2 semaines. c'est correct, là, mais je veux dire, c'est que ça, c'est sûr, ça a été un scandale important, là, dans le sens des pédophiles, puis de l'exploitation des enfants qui a eu cours. Probablement que Trump va faire le ménage, j'ai l'impression, par rapport à tout ça. Ouais. Ben, moi, je pense que c'est Claire qui va faire le ménage de ça. Puis là, il y a Puff Diddy, là, le Epstein Black d'Hollywood, qui va être en cours au mois de mai. Il est ressorti de prison, lui. Il ne ressortira jamais de prison, lui. Là. C'est la même affaire, c'est le même pattern qu'Epstein, la liste d'Epstein, mais là, ce n'est pas les mêmes, comment dirais-je, ceux qui dominent, c'est. Tu sais, on sait que la liste sur Epstein, il y avait le Mossad impliqué, la CIA, probablement des banquiers. Ben, chez Puff Diddy, c'est un peu le même pattern, mais cinéma, le Hollywood, il y a du monde en haut de ça. Ça aussi, ça va sortir. Et ça, ce que ça cache, c'est le trafic d'enfants, de femmes et d'organes, qui est le plus gros marché économique mondial, plus gros que n'importe quelle entreprise que vous pouvez configurer là. Hey, c'est glorieux comme race humaine, hein? Oui, Glorieux. c'est incroyable, Et c'est ça me cruel. fait vomir ma vie, moi, quand Ouais. je parle de ça. J'ai les oreilles qui me saignent, puis la gueule qui veut vomir. Là. Imaginez, comprends, on tue des petits bébés, on fait n'importe quoi avec des organes. Le prix des organes, on les connaît, là, c'est 15 000 piastres pour un foie US, 2 700 piastres pour un pancréas. Là, je sais pas. L'exploitation des femmes, l'exploitation sexuelle, des organes des femmes aussi, des enfants, l'esclavage. Ça va bien, on est une race glorieuse. Pensez-vous que ça va continuer longtemps? Non. Je vous le dis, c'est fini. Ça va sortir. Puis on va avoir des petits noms qui vont sortir qui sont assez gênants. On va découvrir des belles petites choses. D'ailleurs, as-tu vu que la femme qui avait dénoncé, comment il s'appelle, dans la royauté anglaise, Andrew, c'est-tu Andrew? Pas au courant. Je sais pas, dans la royauté anglaise, un des fils de la reine Élisabeth, pas de la reine Élisabeth, de. Du prince Charles? Comment il s'appelle? Le roi Charles? Prince Charles, Qui est c'est devenu Andrew, je crois, roi, c'est ouais. le prince Andrew. Il y a une femme qui l'a dénoncé comme étant un abuseur sexuel. Elle est morte. Il n'y a pas Ah, trois ça jours, tombe quatre jours. drôle. Comme par hasard. Quand tu le dis, ils s'en sortiront pas, ces gens-là, c'est fini. En tout cas, on verra. Bon, ce serait un sujet à aborder éventuellement. Oui, c'est ça, exactement. Mais on peut se quitter sur une bonne note, comme tu disais, qu'on va éventuellement se diriger vers l'apothéose. Ben, c'est parce qu'on va être témoin de la fin. C'est difficile ce qu'on parle, c'est ça qu'on va voir. Puis c'est très difficile à supporter, je l'avoue. Il y a des gens qui vont venir fous quand ils vont voir ça, je vous le garantis, là. Puis tranquillement, on va sortir. En parallèle, il se bâtit deux mondes, un peu comme les deux égos. D'un moment donné, on parlait de ça. Quand on développe la conscience, il y a comme un moment donné, on a comme un temps où il y a comme deux égos qui nous l'ancien puis le nouveau qui se bâtit. Mais pour moi, c'est un peu la même mécanique qui se passe. C'est l'ancien qui finit, puis le nouveau qui commence à se bâtir, dont l'autonomie financière que tu parlais, l'importance de se prendre en charge comme Exact. individu, mais pas juste notre économie. Si on vit en société, on a une responsabilité sociale de dénoncer quand on est témoin d'une crosse. Ah, ça, attache-toi-tu avec de la broche, il n'y a pas grand monde qui font ça, hein? Ça, Mais on a une c'est clair que non. responsabilité, arrêter de se déresponsabiliser, puis je pense que c'est ça qui va changer, que les gens vont prendre conscience de l'importance de s'impliquer socialement et individuellement. Parce qu'on vit en collectivité. Mais pour ce qui est de Je suis pas le. l'implication sociale, c'est pas évident parce que j'ai connu des gens Mais t'as. de mon environnement qui ont voulu s'impliquer au niveau politique pour amener des changements. Puis ça demeure tout le temps les mêmes types de partis corrompus, comme on le disait, qui ont le haut du pavé. Puis pendant ce Mais oui, mais temps-là. c'est parce que les gens n'ont pas de couilles. Le courage n'est pas très commun au Québec en passant. Ça demande des couilles pour faire face à ces cochons-là. Un petit problème de couilles. Les gens ont peur, David. Je coach, je ne veux pas parler de coaching, mais je Oui. coach plein de gens. Est-ce que le monde a peur? Ça n'a aucun sens, comment c'est délirant. Peur de tout. Ça a peur de parler. Parce que tout d'un coup, si je dis ce que je pense, ma femme va me laisser. Mais qu'elle te laisse, câlisse, c'est quoi l'idée? Ah, ben si je dis ça, ça marche. Les gens n'osent même pas parler parce qu'ils ont peur de se faire dire quoi que ce soit. Quand tu n'es même pas capable de dire à ton voisin, tu fais trop de bruit, tu me fais chier, parce qu'il a trop peur de sa réaction. Hey, il est un peu, là. Tu imagines confronter le politique, là, Non, non, ou c'est ça. l'économie? Ben oui, mais c'est ça que je dis, il va falloir développer un peu de couille, Oui, avec un mais en peu de même colonne, temps, puis ben, arrêter c'est pas d'avoir tout le peur. monde qui est prêt à le faire. En regardant le sort, qu'est-ce qu'on subit, certains Ben, un lanceurs exemple de ça, d'alerte, t'as on une a petite perdu. fille, là, un Oui. jour, ta fille va aller à l'école. Ben, Oui. j'espère qu'un des deux parents s'impliquera dans le comité de parents, Chris. Moi, j'étais allée à l'école avec mes gars. J'allais à l'école des fois, j'étais allée quelques fois, j'étais allée faire des choses, aller voir ce qui se passe, puis m'assurer que ça se passe correctement. Parce que comme parents, on a une responsabilité. Il ne s'agit pas de crisser notre enfant dans une école puis libérer ça. Hey, ouais, l'école, occupe-toi de ça. C'est ça qu'on fait tout le temps. On est toujours en train d'éviter. Ah, oh, ben là, je suis là pour dire mon opinion. Je dois être confrontée. Ben oui, c'est ça. C'est des débats. Puis ne pas s'impliquer. Il faut s'impliquer dans nos vies. Si tu as des enfants, tu vas avoir le goût de t'impliquer dans l'éducation de ton enfant. Tu vas voir, ça va venir. Elle est tout petite encore, je sais. Mais Non, la non, ben je comprends garderie, à ce un que moment tu veux donné, dire à ce tu vas vouloir savoir niveau-là. dans quelle garderie qu'elle est, puis c'est qui est là comme nous. Moi, je Oui. regarderais ça comme. Ça naît sur une façon de s'impliquer socialement, pour obligé de faire de la politique. Non, non, je Mais sais. Mais ce que je tu voulais dire, c'est comprends? que le prix à payer en matière politique Il est énorme. est énorme. Puis, si on regarde ce qui est arrivé avec les lanceurs d'alerte pendant la période dite de pandémie, juste avoir une opinion divergente du narratif, comme le docteur Provost au Québec de l'Université Laval. Billy Provost, Oui, docteur oui. Provost, Patrick Patrick Provost, Provost, un homme qui extraordinaire en passant. avait des résistances par rapport à la vaccination massive des enfants. Juste de parler de ça, en voulant porter un regard critique, il a été suspendu de l'Université Laval. Il a perdu son emploi présentement. Voilà, aussi. Donc, le prix à payer, ça peut être de se tenir debout, ben, c'est de perdre son travail, c'est de perdre ses Ouais, acquis, sa puis maison, moi, je etc. suis désolée, mais si j'aurais fait pareil que lui, Patrick Provost. Si ta vie tient rien qu'à une crise de job puis un petit salaire, c'est ça que je dis à tes esclaves, c'est ça. T'es un esclave du système, si tu penses de même. C'est vrai. Mais... C'est toujours l'argument qu'on m'amène. Ben, ma mère m'a dit quelque chose, puis là, ils ont fait. Ben oui, mais t'as pas de couilles. Si, je suis désolée de vous le dire, vous n'avez pas de couilles. J'ai jamais eu une entreprise qui me contrôlait, moi. Jamais. J'ai toujours quitté, sacré mon camp quand ça faisait plus mon affaire. Point barre. Faut être intelligent. Autrement dit, il faut avoir un petit peu d'avance, il faut avoir mis un peu d'argent de côté, puis que quand ça fait plus. La vie est difficile. Il y a des temps, on a des décisions à prendre pour être intègre avec soi-même. C'est évident qu'il y a des décisions qu'il va falloir prendre dans la vie, des fois, qui occasionnent de changer de job ou de faire. Mais ça ne m'a jamais créé de tension. Moi, ce qui me crée une tension, c'est d'être poigné à rester dans une entreprise qui ne me convient pas. Puis de ne pas pouvoir dire ce que j'ai à dire parce que. Oh, ben là, il faut fermer sa bouche parce que tu as peur. Non, non, je suis désolée. Dans la vie, si tu veux être intelligent, tu n'as pas le choix de faire face aux peurs. En passant à faire face à une peur, je donne un truc aux gens. Les 95% des peurs qu'on a sont anodines. Il s'agit juste de prendre le mental et de les regarder en pleine face, puis ils disparaissent. Il en reste un petit 5% où tu vas aller au combat avec la crotte au cul, que je dis là. Oui, mais en même temps, il y a des limites aussi à ça. Parce que si je regarde le sort qu'a connu Marc de la Salle, que j'ai interviewé pendant plus de 9 ans, lui, il a lâché le système scolaire. Il était enseignant. Après plusieurs années, il avait un bon salaire. Et, tu sais, il avait une charge de travail à temps plein. Il avait des très bons revenus. Puis, il a décidé d'arrêter tout ça pour se consacrer à la diffusion de la conscience supramentale. Puis, lui, il croyait que les forces allaient le soutenir. Puis, quand que je discutais avec lui, ben, il me disait, ben, quelqu'un qui suit sa vibration, lui ce qu'il me disait, il se comparait à un étalon. Il disait, les forces ne me laisseront jamais tomber. Fait que lui, là, c'est un travail qui était rémunérateur. Puis, par la suite, naturellement, il n'y a pas plus de monde qui sont venus à ses conférences, ni même qui ont acheté ses enregistrements en ligne. Fait que là, il s'est endetté. Puis s'il serait pas mort, probablement qu'il aurait peut-être fait une faillite personnelle. Aujourd'hui, il serait sous l'assistance sociale. Ben, si on ne le sait pas, c'est une projection, ton truc, là, mais. Mais concrètement, il a lâché son travail à 49 ans. Il est mort Ouais, à mais moi, 56. j'ai jamais pensé que les forces, je ne sais pas ce que tu appelles les forces, là, mais mon contact, moi, il ne travaille pas pour que je sois pauvre ou riche. Je suis désolée, ça n'a rien à voir. Il travaille pour que je sois intègre. Mais lui croyait qu'elle lui donnerait un mode de vie décent. Puis ça n'a pas été le Ben, cas. Puis lui a attendu je. après ça. Puis progressivement, ben, l'argent qu'il avait mis de côté a diminué. Puis là, il s'endettait. Fait que là, il était dans une espèce de spirale. Puis là, ouais. Fait qu'il a connu une forme de déchéance à ce niveau-là de ce que j'ai perçu. C'est sûr que, bon, Ben, moi, je pense que l'erreur qu'il a faite, c'est de penser que les forces le soutiendraient financièrement. Pour moi, ça marche pas de même. Ben, c'est ce que Ils j'ai sont pas, l'impression c'est pas là aussi. pour t'appauvrir ou t'enrichir, c'est là pour que tu t'intègres l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie ou de l'intelligence ou de la fusion d'intelligence ou de appelez-les comme vous voulez, je m'en sac, là. Mais c'est pas là pour tes pauvres ou riches, c'est ça, c'est à nous de régler ça en bas. Moi, j'ai jamais compté ses forces, en tout cas, sur mon contact, que je te l'ai déjà dit. Je travaille pas avec le contact à la bourse, oubliez ça, tu sais, moi, Moi je te. non plus, moi non Non, plus. merci. Non, mais c'est pas leur rôle, c'est pas leur fonction. Fait que comme c'est pas leur fonction, je vais me faire. C'est sûr, ils vont me mettre dans la marde, c'est une croyance. Si je crois ça, c'est une croyance. Moi, je considère que ma responsabilité, c'est de m'assurer d'avoir une bonne vie financière ou qui convienne à mes besoins. J'ai jamais manqué de rien. Non, non, mais c'est sûr que je suis ton avis, c'est à l'individu de se responsabiliser par rapport aux finances au lieu de croire, être dans la croyance plutôt que le savoir que ah, ben, les plans vont me supporter, puis que tout va se placer, puis ça va marcher un peu comme quelqu'un qui dit je vais suivre ma bonne étoile, puis. Si je suis ma vibration, je serai jamais dans la marde. Puis, ouais, mais c'est parce que j'ai regardé ce qui s'est passé avec Marc Lassalle, puis ça m'a comme laissé une espèce de goût amer par Petit goût rapport à. amer. Ben, je pense qu'il s'est fait involontairement. Je suis sûr, c'est un homme qui avait de l'intelligence, je le voyais, là, mais T'sais, on n'est pas parfait, puis on n'est pas totalement fusionné, puis on est partiellement fusionné en général. C'est la fusion qui commence, là. On n'est pas des Bernards de Montréal, je suis désolée, même s'il y en a qui l'aissent, reste que c'est une autre vibration. J'ai assez fréquenté, puis vu de proche, savoir que ça n'a rien à voir avec ce que je parle. Mais on est en début de fusion, nous autres. Peut-être Marc, il avait une illusion à brûler, puis ça s'est brûlé. Mais il est mort à temps, il n'est pas mort en souffrant. C'était parfait, dans le fond, Ben, il est David. mort en souffrance. C'est-à-dire que s'il serait pas mort de l'accident de vélo, Ben, il est mort. Fait que tu peux pas dire si, tu le sais pas. non, non, je sais, mais la trajectoire qu'il suivait, là, parce que quand même, après avoir arrêté en fait, il a lâché son emploi, imagine-toi donc, il avait 49 ans. S'il aurait arrêté de travailler à 50 ans, il aurait le droit d'un fonds de pension qui lui aurait donné un minimum de 18 000 $ par année. Ben, c'est moi, s'il m'avait rencontré dans ce temps-là, j'aurais dit, mon gars, finis ton année, parce que sinon t'es un idiot fini. Ben, c'est ce que je pensais. Moi, là, il dit, ah, toi, tu cherches juste les sécurités puis les garanties. Tu vis dans la peur, tu suis pas à la vibration. Ben Ouais, non, mais mais. un an, Ben, un an, c'est ce que je. un Ouais, mais il dit, une vibration, ça se discute pas. Puis là, si j'ai une Ben là, je vibration suis d'arrêter en désolée avec. 40. Moi, je suis pas d'accord, ça Non, se non, mais il aurait discute. monté en intensité puis en colère. Puis là, il aurait comme voulu sans doute casser mon mouvement en disant, toi, tu es Voilà. juste dans l'esprit de calcul, tu es un peureux, tu es un lâche, puis moi, je le sais, Chris, c'est quoi une vibration. Puis là, il faut que tu sortes de Ben ça, parce que sans ça, tu n'es pas capable de t'élever en conscience assez pour comprendre. ouais, je comprends, j'ai déjà entendu ça. Mais pour moi, ça reste malheureusement, tu t'es fait ramasser. Ben, c'est ce que j'ai Pas toi, l'impression. lui. Ben, c'est ça, là. C'est parce que. Dans le fond, moi, j'ai vu la situation après parce que dans les 7 années qui ont suivi son arrêt de travail, bon, au début, tu sais, c'était un peu comme des vacances, il y avait de l'argent de côté, etc. Mais c'est parce que lui pensait qu'il y avait de l'argent en attendant qu'il y ait d'autres argent qui rentrent, sauf que l'autre argent n'arrivait pas puis son argent diminuait. Puis en Fait que. plus, vouloir gagner sa vie avec Sa du parole. matériel de conscience, attache ta tuque avec de la broche, là. J'en connais rien qu'un qui a connu ça, puis c'est Bernard de Montréal. Fait que... Exactement. Moi aussi, J'en que connais pas bien d'autres vu, qui ont ça, gagné du vie avec ça. ben, que bien vécu là, en lien avec ça, c'est-à-dire un mode de vie intéressant. Là, je veux dire, il pouvait voyager. Il y avait aussi, dans le fond, il y avait son auto, il y avait sa maison à Sainte-Adèle. Tu sais, c'est un bel endroit. Je veux dire, Oui, il faisait de l'argent, Bernard, avec exactement. ses Là, il y avait sa conférences, puis... Jaguar. Ouais. Ouais. Ben oui, mais c'était sa fonction, c'est ça que je dis. Ça, c'est une fonction qui s'exécute, mais c'est pas les forces qui l'ont rendu riche ou pauvre, ça n'a rien à voir. Il y avait une fonction, il l'exécutait, il fallait bien qu'il mange, là, si, sinon il aurait fait comme tout le monde, m'envoie chauffeur de taxi manger de la merde. Donc, c'est une fonction, mais est-ce que tout le monde a cette fonction-là? Je pense pas. Là. Puis là, ce qui a descendu, c'est descendu. Il y a pas, tu sais, il y a pas, on n'a pas. J'ai pas vu d'autres personnes descendre du nouveau depuis ce temps-là. Bien, il y a des gens Faut qui ont fait un l'intégrer. C'est bien beau de travail, descendre du c'est nouveau, ça, j'allais mais dire. faut-il l'intégrer Voilà, individuellement? voilà. Puis Moi, ça, le. on a pour des milliers d'années. Fait que. Environ 2 500 ans, de ce que j'ai compris, là. Mais moi, je voyais le Ouais, travail de Marc de la Salle, puis Daniel Ménard aussi, puis d'autres, comme plutôt en complémentarité avec Bernard, au niveau, de l'intégration de parler. l'instruction. Ben, je peux pas parler pour Marc parce que je l'ai pas connu beaucoup. Là, je l'ai écouté en dernier. Il est mort quelques mois après que j'ai commencé un peu à écouter. Puis je trouvais des fois qu'il était à côté de la plaque personnellement. Mais ça, c'est Non, personnellement. mais c'est correct. Mais il n'était pas complètement à côté de la plaque. Fait que je suis capable, j'ai assez de discernement pour qu'on. Ben, en tout cas, moi, je pense qu'il me convient. Puis le reste, ça ne me passe pas dans le calendrier, ça passe pas. Mais non, il a pas. Il a gagné sa vie en consultation. Puis il n'était pas riche en passant. Hein, il faisait même pas 50 000 par année. Puis il avait de la misère à gagner sa vie avec ça, je veux dire. Ben oui, Il y a mais des pour les femmes salles qui. Il y a de beaucoup de femmes conf. qui l'ont aidé dans sa vie, Oui, Ménard, en exact. passant. Je n'aimerais personne, mais j'en connais quelques-unes qui ont payé des milliers de dollars par année pour aider Ménard à survivre. Mais tu sais, Daniel Ben. Ménard, ce que j'avais vu, c'est qu'il n'y avait pas des salles avec autant de personnes que Bernard. Ben Daniel, il a gagné principalement sa vie en consultation individuelle. Et aussi, des vendredis, il faisait des groupes le vendredi. C'était pas des conférences, c'était une table. Puis on était 15-20, puis on parlait librement, puis il y avait beaucoup de choses qui s'ajustaient comme des tables rondes, c'est un peu comme développer la parole, la liberté de la parole ou la fluidité de la parole. Mais il y avait des ajustements sur les égos qui se faisaient aussi, puis les mémoires. C'était intéressant, ça. Ça, c'était plutôt sa source de revenus. Quand vous le voyez en conférence dans les dernières années de sa vie, là, je dirais sur 8-10 ans maximum, il n'y avait pas beaucoup de monde. Moi, je ne suis jamais allée dans ses conférences à Daniel. Je n'aimais pas ça. Fait qu'il n'y avait pas grand monde. Ce n'était pas sa source de revenus principale. Puis il y avait la bourse. Daniel travaillait avec la bourse aussi. Faisait de la bourse. Oui, ben il Est-ce que... faisait du day trading, entre autres, là, en lien avec Forex, avec il faisait Exact. c'est ça, et puis il donnait des formations aussi en lien avec ça. C'est ça. Mais de ce que j'avais compris, c'est qu'il n'était pas devenu non plus millionnaire avec ça, là. Non, non, il y a eu du... non. Maintenant, je me souviens, son système était très complexe. Puis à un moment donné, je me souviens, il parlait de ça. Et puis moi, j'étais intéressée un peu à la bourse et tout ça. Puis là, il me disait, Mona, t'as assez de discipline pour appliquer mon système, tu devrais l'essayer. Puis là, il montre ça. Puis je rentre pas dans les détails, puis je me rappelle pas grand-chose. Puis il me dit, t'as pas de décision à prendre, t'as rien qu'à faire, c'est mécanique, tu sais. À un moment donné, j'essaye ça, en fictif. Je dis non, non, mais non, ça rien. C'est pas que ça marche tout seul. C'est pas comme l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Je dis, Daniel, ça demande de rentrer, puis rentrer dans le marché, c'est une chose, mais nous, il faut prendre la décision de sortir. C'est pas la machine qui prend la décision, c'est du day trading. C'est extrêmement stressant. Puis là, tu me dis qu'on n'a pas de décision à prendre. On a des hosties de décision à prendre. Pour sortir, c'est pas simple. Là, ça veut pas perdre. Ici, là, entre les deux oreilles, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre. Lui dit non, merci, je ne veux pas ton système, ça ne m'intéresse pas. C'est pas tout ce que tu m'as vendu comme idée. Et j'avais raison. C'était pas un système facile. Puis c'était pas vrai que c'était juste mécanique. Il n'avait pas créé quelque chose de mécanique. C'était quelque chose que tu pouvais rentrer dans le système, oui. Mais il fallait prendre position, il faut être là tout le temps. C'est 2, 3, 4 heures par jour. C'est le stock market, ça, là, c'est très violent, ça monte à descendre. Et puis, c'était stressant. J'ai dit, tu parles d'une job. Tu m'oublies ça, si je m'autant sur le BS que ça, je blague. J'ai jamais été sur le bien-être social. Mais je dis, non, non, non, non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, ça. Puis, c'est pas mécanique, il faut que je prenne une décision. Puis là, moi, c'est le combat dans ma tête. Je pense, je vais-tu perdre, vas-tu gagner? Si je vends, il va peut-être monter. Penses-tu que j'ai le goût de me taper ça? Non, merci. Non, mais en fait, sinon, pour ce qui est du système mécanique, j'avais compris qu'il avait développé à un moment donné un système lié aux lunaisons. C'est-à-dire que si c'est la pleine lune, la lune montante ou descendante, c'est ça qui déterminerait les phases pour entrer ou sortir sur le marché. À un moment donné, sur son site web, il avait rendu public des statistiques par rapport à ça. Puis là, il expliquait qu'à mettons, quelqu'un qui prenait un montant d'argent, disons 1 000 $, pendant que la lune est montante. Là, après ça, quand que la lune, c'est la pleine lune, en tout cas, je me rappelle plus si c'était la lune montante ou descendante, mais il y avait un cycle lunaire, puis tu augmentais le capital. Le 1 000 pouvait devenir, mettons, 4 000, qui devenait 8 000, ainsi de suite, là, au fil des lunaisons. Puis là, c'était comme un développement exponentiel mécanique en suivant tout simplement le flux lunaire de ce que je comprenais. Je l'ai pas essayé, mais je pense pas que ça fonctionne parce que sans ça, il aurait été millionnaire, tu sais, ou milliardaire. Ah, sûrement. Mais en tout cas, si jamais tu veux en savoir plus, parce que ce volet-là de Daniel, moi, comme je t'ai dit, je n'ai pas été intéressée OK. vraiment à développer ou à explorer son affaire boursier. Mais j'en connais une personne ou deux qui peut-être pourraient t'en parler parce que les autres ont travaillé avec lui pendant des années Mais ça sur ce m'intéresse pas projet. nécessairement, à moins que la personne me OK. dise qu'elle a eu un résultat probant, là, qu'elle a suivi sa méthode, puis regarde, est devenue indépendante financièrement au-dessus d'un million. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'a intéressé, par contre, beaucoup dans les derniers mois, ça a été d'étudier Warren Buffett, qui est devenu multimilliardaire avec C'est ça. son système d'investissement qui lui permet d'avoir une moyenne d'environ 20 % de rendement annuel. Depuis au-dessus de 30 ou 40 ans, là, avec l'entreprise Big Share Hathaway, là. Puis, son système est très simple, c'est de l'analyse fondamentale. Tu détermines Exact. c'est quoi la valeur intrinsèque d'une entreprise. Tu regardes si sur le marché est surévalué, sous-évalué. Puis, en fonction de ça, ben, tu attends que ça soit sous-évalué pour Pour l'acheter. l'acheter. Exact. Exact. Puis, tu la Il y conserves. avait. Puis lui, Monsieur Buffett, sa phrase clé, c'est pas perdre d'argent à la bourse. Jamais. Premier conseil, c'est pas perdre d'argent. Puis le deuxième, C'est de ne pas oublier le premier conseil. Il disait ça à la C'est blague. ça, exactement. Pas Ou sinon, il disait, comme autre aphorisme, petite pensée, il dit, soyez avide pendant que les gens ont peur. Puis quand que les gens achètent, ben, tu fais le contraire, tu vends, tu te retires du marché. Fait que exact. là, quand que l'indice de la peur avec le fear and greed augmente, moi, j'ai l'impression que tous les milliards qui ont à liquidité, peut-être dans quelques semaines, si on voit une Ouais. baisse majeure du SP500 qui prend, je ne sais pas, moins 30 ou moins 35, je ne serais pas Ça va surpris de aller. le voir rentrer massivement sur le marché avec ces milliards de dollars de capitaux. Ben, moi, c'est la stratégie que j'ai suivie. On avait parlé en privé un petit peu. J'avais de la liquidité, j'avais des actions, j'ai liquidé beaucoup de choses. J'ai gardé au moins 2/3 en cash présentement. J'étais à 5 %, c'est pas bien, bien payant, là. Mais il reste que je voulais le protéger du marché qu'on voit présentement pour attendre des occasions pour acheter. C'est exactement ça. Puis là, que je commence à voir là, tu sais, je t'avais parlé du 100 jours de Trump, il faut attendre 100 jours à partir de janvier au moins. Là, on commence à voir clair un petit peu ce qui s'en vient. Là, on commence à voir baisser. Puis il va y avoir des très bonnes opportunités pour des gens qui ont un petit peu d'argent. Pas obligé d'avoir 200 000, 300 000. Non, exactement. Chacun Mais peut agir à son échelle. exactement. Ben écoute, on va s'arrêter là, mon cher David, parce que là, je vais aller me reposer un petit peu, mais Oui, certainement, moi on pareillement. reparle. Puis je vous rappelle que bon, on a parlé entre autres d'investissement dans les dernières minutes, mais aussi pendant l'enregistrement. Mais c'était pas dans le but de donner un conseil d'investissement. Je le dis souvent Non, pour c'est pas une que les gens. attitude C'est ça, d'investisseur, c'est pour pas pas que les gens pareil. interprètent mal ça, là. Donc, on n'est pas des conseillers, on ne donne pas conseil. Puis si vous investissez, bien, ça comporte des risques. Donc, d'où l'importance de faire preuve de jugement et d'esprit critique. Exact. Donc, si, il y a une chose, j'aimerais peut-être, si les gens qui nous écoutent ont un intérêt pour un sujet qu'ils nous en proposent. Moi, j'ai plus beaucoup de questions dans la vie, hein. C'est difficile pour moi d'amener des sujets. Il faudrait que je me questionne. Mais moi, je suis ouverte que les gens, s'ils veulent des sujets, n'importe quelle chose qu'ils vivent, sans rentrer dans trop de détails, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire. J'aimerais ça que vous parliez de telle affaire. Tu sais, j'ai tel pattern, il y a tel pattern dans la vie que j'observe. Ça peut être intéressant. Amenez-nous des sujets. Ça peut être n'importe quel sujet que vous voulez. On peut essayer de les aborder. Moi, ça m'intéresserait de travailler avec ça de même. Oui, c'est une approche à considérer. Donc, si vous avez des sujets pour un prochain enregistrement, donc vous pouvez les indiquer en bas de l'enregistrement présent. Puis, si par exemple, là, ça, on a fait des enregistrements au cours des derniers mois, si on en fait un autre, disons, au mois de mai, ça va vous laisser quelques semaines pour réfléchir à des sujets. Et puis par Et la des suite, questions. Des exactement, questions. des questions qui pourraient être abordées avec toi de nous dans le cadre d'un nouvel enregistrement. Donc, c'est sûr que moi, je peux par la suite faire un tri par rapport aux sujets à aborder, les Parfait. regrouper sur papier. Puis par la suite, ben, je pourrais te relancer la conversation là, en lien avec certains de ces sujets-là. Je propose ça parce que j'ai beaucoup de gens qui nous écoutent, qui me parlent, qui m'écrivent des petits mots, puis que je leur dis, ils vont dire, ah, oh, on trouve, ça va aborder tel sujet, c'est moins intéressant. Mais oui, mais proposez-nous des sujets, ça va nous faire plaisir d'essayer de travailler avec ça. Au lieu de se plaindre, puis il n'y a pas eu ci, puis il n'y a pas eu ça, c'était trop long, là, ça vous tente pas de nous faire des propositions plutôt qu'une critique? Bien, c'est sûr. Mais pour ce qui est des gens qui peuvent trouver que nos enregistrements sont longs, parce que c'est vrai qu'en effet, on a fait des enregistrements qui durent parfois plus de 2 heures, ce que je mentionne aux gens, c'est que vous pouvez mettre sur pause tout simplement l'enregistrement, puis le reprendre un autre moment. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. C'est drôle parce que quand tu dis ça, vous savez, il y a un petit piton, peux-tu faire pause? Voilà, exactement. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout d'un bout. Un petit piton qui fait fast forward aussi, des fois, quand un sujet ne nous intéresse pas. Vous pouvez avancer, exactement. Ou passer votre balayeuse pendant que vous écoutez, je sais pas. Vous pouvez faire différentes choses comme la vaisselle. Moi-même, je réécoute des fois des enregistrements que j'ai faits en lavant la vaisselle chez moi. Puis, C'est ça. exactement. Donc, c'est sûr que par rapport au sujet, l'approche que j'ai avec toi, c'est comme ça depuis plusieurs années, c'est qu'on passe souvent du coq à l'âne. Donc, ce n'est pas des Oui. sujets prédéterminés. Il y a des gens sur Internet qui font des capsules, puis c'est par exemple une thématique, puis ils se tiennent à ça, puis sont très stricts. Mais ce n'est pas ce que je fais, parce que je veux qu'il y ait une certaine spontanéité, fluidité, puis en même temps, je ne veux pas non plus, ben, ça soit juste limité à une thématique, tu sais. Moi, je suis d'accord avec ton approche. Puis j'aime ça, ces multidirections. Ah oui. Il n'y a pas de souci parce qu'on voit même que dans ces mouvements-là, il y a quand même une ligne de conduite qui reste assez centrée. Tu sais, on parlait d'attitude dans le marché, agir, de prendre en charge nos finances. Bien, ça s'applique à toute notre vie. Ça peut être appliqué de prendre en charge notre santé, de prendre en Ben charge. oui. C'est pas parce qu'on parle pas d'un sujet précis que ce qu'on parle peut pas s'appliquer ailleurs, c'est ça que je veux Exactement. Puis dire. dans un sens, tout est interrelié. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que je répète aux gens que s'il y en a qui, à présent, après avoir nous écouté pendant de nombreuses minutes, ont envie d'une consultation avec toi par rapport à l'intégration de la conscience supramentale ou également d'un coaching. Au niveau yoga ou pilates thérapeutique, que ce soit en individuel ou en groupe, ben, ils vont pouvoir retrouver, donc en bas de l'enregistrement présent, tes coordonnées. Avec plaisir. Ah, il y a une petite chose. Lors de notre dernière entrevue, j'ai eu des Oui. appels de gens pour des consultations. Puis, il y a quelque chose que je veux dire aux gens. Moi, ma fonction, là, elle est très simple. Les gens viennent vers moi parce qu'ils sont pas bien. Puis moi, ma job, c'est de vous faire prendre conscience qu'on peut être bien tout le temps. La question est simple, simple. Je m'intéresse pas à l'évoluer. Je cherche pas à évoluer. Bon, ces affaires-là, c'est pas ça. Mais c'est la seule chose, je me rends compte, les gens sont tellement malheureux puis souffrants qu'il y a des solutions à ça au quotidien. La seule question qu'on devrait se poser dans la vie, c'est est-ce que je suis bien? Oui, je continue. Je suis pas bien, je m'arrête puis je trouve la solution. Et je regarde le problème. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, la vie en passant. L'autre fois, j'écoutais un monsieur qui parlait de solutions économiques compliquées. Puis il disait, là, pensez pas que c'est une solution simple qui va régler le problème d'aussi complexe. Mais pour moi, c'est un idiot fini. Parce que tout se règle simplement. Au contraire, c'est inversé, la vérité. C'est inversé. C'est pas vrai que c'est compliqué. Ça peut être compliqué de vivre dans la société parce qu'on vit dans une société complexe, mais les solutions sont très simples individuellement. On peut être très bien en collectif et individuel. Sans se faire chier. Alors voilà, je voulais passer ce petit message. C'est parfait. Donc là, c'est vrai, parce que ça fait plus tantôt qu'on dit qu'on va finir. Là, on finit pour le vrai. Donc, je remercie les gens de leur écoute et je leur dis aussi, ainsi qu'à toi-même, à bientôt. À bientôt tout le monde. Merci, David. Bye. Bye.